écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Voici C'est un fait. C'est un fait, c'est la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables d'assemblage requis. Bien sûr, tout ça selon Internet. Et commençons avec le fait qu'il y a plusieurs endroits qui acceptent, en fait, qui hébergent des animaux. Vous savez, peut-être pas des fourrières, mais des places comme ça, la SPA. À certains endroits aux États-Unis, entre autres, ne permet pas les chats noirs. Ils peuvent pas se faire adopter à l'Halloween. On pense qu'ils vont se faire sacrifier ou torturer. Pas de chat noir à l'Halloween. Plus de 90% des gens ne sont plus amis avec quelqu'un qu'ils ont déjà appelé leur meilleur ami. Donc, quelqu'un qu'ils considéraient comme leur meilleur ami. 90%. La même chose pour 90% des gens qui sautent par-dessus la première tranche de pain juste parce qu'elle est pas belle. Souvent, elle est comme tout croche, t'sais, défigurée un petit peu. Je comprends ça, je fais la même chose. Et je me rends jamais jusqu'à la fin du pain de toute façon. Les cygnes ont seulement un partenaire pendant toute leur vie. Et si leur partenaire meurt, ils peuvent mourir eux-mêmes à cause de leur cœur brisé. Ah, oh, c'est tellement rempli d'émotions, matin. La puce peut sauter jusqu'à 350 fois la longueur de son corps. C'est comme si un humain réussissait à sauter de la longueur de terrain de football. Quand même. Le mot samba, OK, là, on ne dit pas dans quelle langue, mais le mot samba veut dire se frotter les nombrils l'un contre l'autre. C'est deux personnes qui se frotteraient le nombril. Le mot samba, eh bien, selon Internet. Un nouveau-né kangourou mesure environ un pouce de longueur. Eh bien, on apprend des choses, hein, qu'on n'est pas sûr que c'est tout à fait vrai. Livre pour livre, les hamburgers coûtent plus cher qu'une nouvelle voiture. J'imagine les bons hamburgers, quand même. Ensuite, ah tiens, si on revient, le 29 octobre dernier, c'était la Journée nationale des chats. On peut aussi appeler ça la fête nationale d'Internet. Ryan, ah tiens, ah Colin, ça me donne envie d'aller l'entendre. Et comme je n'ai pas de partenaire de co-animation aujourd'hui, allons-y avec ma main par à droite pendant que je vous lis le fait que, en fait, que je vous lirai plus tard. À la Maison Blanche, un court de tennis, un green pour jouer au golf, une salle de billard, une place pour faire du jogging et une piscine ainsi qu'une allée de quilles. Ils sont bien équipés à la Maison Blanche. Il y a environ, et non, on dit au moins 43 678 espèces différentes d'araignées. Yark! On en mange plein la nuit. C'est pas rassurant. Les dauphins dorment avec un œil ouvert. Mais vous, les auditeurs d'Assemblage Requis, vous êtes des requins. Fait que vous ne faites pas ça, s'il vous plaît, parce que ce sera pas bon pour vos yeux. Ensuite de ça, le miel. Il y a du miel qui a été trouvé dans la tombe d'un pharaon égyptien, en fait de plusieurs pharaons égyptiens. Et on lui a goûté à ce miel-là, les archéologistes, et ont découvert que c'était encore mangeable. Donc, du miel, quand on dit que ça n'a pas de date de péremption, du miel, eh bien, c'est vrai. Plus de gens se font tuer à chaque année à cause d'abeilles qu'à cause de serpents. Ah, tu vois, ben ouais, c'est impressionnant que le nombre d'araignées qu'on a entendu tantôt. En moyenne, le temps qu'une femme peut garder un secret pour elle est de 47 heures et 26 minutes. Donc, une femme qui bolle deux jours avant de dire un secret, c'est qu'elle est au-dessus de la moyenne. Il y a un guichet automatique au Vatican qui donne des instructions en latin. Tu sais comment il y a beaucoup de gens de nos jours qui parlent le latin, mais bon, j'imagine que c'est une tradition que le guichet fasse ça. Les Kisses de Hershey, vous savez, c'est les petites clochettes de chocolat, là. On les appelle comme ça à cause de la machine qui les fabrique et apparemment qu'elle a l'air d'embrasser le convoyeur quand elle fait ses Hershey's Kisses, donc on a appelé ça des Kisses. Plus de gens sont allergiques au lait de vache que n'importe quelle autre nourriture. Là, on parle d'allergie et non pas une intolérance. Hein? Je sais de quoi je parle. Intolérance, moi. Allergie, quelqu'un qui va avoir des problèmes physiques à cause de ça. Ensuite, en moyenne, il y a 178 graines de sésame sur un pain Big Mac chez McDonald's. Deux tiers des aubergines du monde poussent au New Jersey. Eggplant, c'est bien aubergine. Attention. Pendant que je cherche en français, eggplant, comme un loser. Je pense que c'est ça de toute façon. Je ne perdrai pas plus de temps là-dessus, s'il vous plaît. Aubergine, c'est bien ça, merci. En moyenne, la main gauche d'une secrétaire tape 56% du temps. plus de touches à gauche qu'à droite, 56%. C'est quand même proche de la moitié, même un petit peu plus. Ça. Je devais vous expliquer ça. Qu'est-ce que la tératophobie maintenant, je vous le demande? La tératophobie, c'est une peur inhabituelle d'accoucher d'un monstre. Il fallait vraiment préciser le mot inhabituel, parce qu'avoir peur d'accoucher d'un monstre, c'est juste bien normal. Les gens qui vont rester debout très très tard le soir sont plus intelligents, nous dit-on, que les gens qui vont se coucher tôt et qui vont se lever de bonne heure le matin, selon une étude. Ha! Donc, je dois être vraiment intelligent, j'arrive pas à me coucher tard. Le gummy bear a été inventé en 1922 par Hans Riegel en Allemagne. À l'origine, on l'appelait Dancing Bear. L'ours qui danse. Pourtant, j'ai rarement vu un gummy bear danser. De toute façon, sa position est tellement droite comme une planche. Les gens qui boivent du vin. Donc, vont verser 12% plus de vin dans leur coupe quand elle est dans leur main, comparé à lorsqu'elle est sur la table. Quand, je sais pas, et dans ta main, t'as tendance à plus verser, je sais pas, t'as peut-être les profondeurs sont différentes quand t'es à la table, c'est comme plus loin de tes yeux, je sais pas. Le mois d'octobre était le mois national du Sarcasm Awareness. Awareness, c'est quand tu sensibilisation, si on veut, être au courant du fait que ça existe. Le mois national du sarcasme. Super intéressant. Tu vois, ça, c'était du sarcasme. une personne moyenne au Royaume-Uni va parler de la météo 44 fois par mois, selon une étude où on a fait une étude là-dessus. Je me demande si au Québec, c'est pire que ça parce que notre météo change encore plus. Et là-bas, c'est il pleut ou il pleut pas beaucoup. Tu sais, c'est pas mal tout le temps ça. Ici, il y a plus de variations, donc j'imagine encore plus que 44 fois par mois. Les biscuits Oreo, à l'origine, étaient vendus au poids. C'était 30 cents la livre, un peu comme on achète des fruits. Tu sais, pour moi, les Oreos, c'est comme mes fruits, là, donc je comprends ça. Les grenouilles ne peuvent pas avaler, nous dit-on, avec leurs yeux ouverts. OK, ça va mieux pour eux. Une personne moyenne va dire 4 mensonges par jour. Et donc, ça va faire 1460 par année, un total de 88 000 mensonges avant l'âge de 6 ans. Et le mensonge le plus commun, celui-là, on a déjà fait ce fait-là, c'est « je vais bien ». Tu sais, quand tu veux pas vraiment expliquer pourquoi ça va pas bien, parce que quand les gens te demandent si tu vas bien, puis tu réponds « non, je vais pas bien », attends, t'as pas une réponse, ils s'en sacrent. C'est pas pour ça qu'ils t'ont posé la question, c'est pour être poli, man. Alors, ensuite, allons-y avec un autre fait, toujours dans cet fait. 40% des profits des restaurants McDonald's vient de la vente des joyeux festins. 40%, presque la moitié, bravo. Voilà. Le lobe d'oreille humain est une zone érogène à cause de ses nerfs qui sont à l'intérieur. Donc, sinon, cet organe-là, dans le fond, le lobe d'oreille, n'a aucun rapport dans le corps humain, ça sert absolument à rien. Mais il y a une zone érogène à cause des embouts, là, les nerve endings, là. Je l'oublie tout le temps en français, c'est quoi un nerve ending, mais en tout cas, bien là. Une personne qui parle à un rythme moyen, c'est-à-dire quelqu'un qui ne prend pas son souffle à chaque 30 secondes parce qu'il est en train de dire plusieurs phrases dessus puis il y a de la misère. Donc la personne moyenne va envoyer environ 300 gouttes microscopiques de salive par minute, c'est-à-dire 2,5 gouttelettes par mot en moyenne. T'sais. C'est pas parce qu'on le voit pas sortir de ta bouche qu'il n'y a pas un liquide de salive qui sort de ta bouche. L'État du Maine est le seul État aux États-Unis dont le nom ne contient qu'une seule syllabe. Oh, Maine! C'est le fun, quand même, à savoir. J'avoue, je ne le retiendrai pas nécessairement. On m'a demandé l'autre fois, on me posait une question piège qui apparemment a été utilisée genre au tricheur à télé. Bref, ça demandait c'est quoi le nom, le dernier état en ordre alphabétique aux États-Unis. Ouais, Wyoming est la réponse, je crois. Wyoming, j'ai répondu, je pense que Utah. Bref, aucun rapport. Maine, une seule syllabe. American Airlines a économisé 40 000 $ en 1987 en enlevant une olive des salades pour la première classe. Vous savez, la classe première en avion. 40 000 $ en enlevant une olive. 160 voitures peuvent conduire côte à côte dans ce qu'on appelle le Monumental Axis au Brésil. C'est la route la plus large du monde au Brésil. 160 voitures côte à côte. Incroyable. Le point G, le G-Spot, a presque été nommé le Whipple Tickle. Whipple Tickle? En honneur du professeur de la professeure Beverly Whipple. Évidemment, bonjour Madame Whipple. Un poème qui est écrit en fait pour célébrer un mariage. Il s'appelle un épithalamium. Épithalamium, c'est un poème écrit spécifiquement pour un mariage. Une personne moyenne va passer environ 2 ans de sa vie au téléphone. C'est pas moi ça en tout cas. Au Japon, laisser un lutteur sumo faire pleurer ton bébé est considéré comme, dans le fond, ça porte bonheur. Au Japon, donc faire pleurer un enfant de la part d'un lutteur sumo, c'est bon pour la chance, bravo. Si tu prenais le taxi de New York à Los Angeles, ça te coûterait 8 325 $. Hein? Ça, c'est du petit change, 8 325 $. En 1879, un village belge a essayé d'entraîner, dans le fond, de coacher une flotte de 37 chats pour livrer le courrier. Et ça n'a pas fonctionné. Donc, 37 male cats au lieu de facteurs, c'est des chacteurs. Bref, ça marche pas mal à tout ça. 1879 en Belgique. Et pour terminer ce segment, c'est un fait. On nous apprend, et je l'apprends, et Colin, ça me fait quelque chose. Vous vous rappelez peut-être de la formation Dead Man's Bones. On la faisait jouer assez fréquemment à Assemblage Requis dans le temps de François Olivier. Que voulez-vous? On a arrêté de la jouer quand il a arrêté d'être là. Hein? Donc, tiens, je sais pas. Je pense que j'ai envie d'aller en entendre. Hein? Voici In the Room Where You Sleep, tout de suite de Dead Man's Bones. Et bien là-dedans, hein, devinez qui est là-dedans? Ryan Gosling. Oui, oui. Ryan Gosling dans Dead Man's Bones. Incroyable. C'est de la musique sur les monstres et fantômes. Un petit peu après l'Halloween, mais bon, on t'a pas en nom depuis vendredi. Mais... In the Room Where You Sleep par Dead Man's Bones. Assemblage requis, toujours dans C'est un fait. On rappelle que Dead Man's Bone, ben, c'est le groupe de Ryan Gosling. On a appris que c'est un groupe indie qu'il a démarré avec ses amis pour écrire des chansons de fantômes et de monstres. On avait déjà entendu du Dead Man's Bones à l'époque que c'était sur le palmarès, parce que leur album est sorti en octobre 2009. Donc, groupe de musique canadien fondé par Ryan Gosling et Zach Shields. Et puis le magazine Les Inrecuptibles classe leur album homonyme parmi les 15 meilleurs albums de l'année 2009. Ils n'ont rien sorti depuis, mais dans notre palmarès anglophone, on avait eu In the Room Where You Sleep, qu'on vient d'entendre, et My Body's a Zombie for You. Donc, voilà pour Dead Man's Bones, et voilà pour C'est un fait. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Cette charmante introduction, je reçois la charmante Alexandra Carignan. Salut Alexandra. Allô Danny. Ça va? Ça va bien toi? Ben certain que ça va, je suis content que tu sois là. Eh oui. Ben... Parce qu'avec tout ce qui arrive à C'est fou, là, on n'est pas sûr de qui va être là puis tout. Et écoute, moi, je ne manque jamais une occasion de vous partager des comédies musicales. Excellent. J'étais vraiment triste hier quand on m'avait dit « Ah, pas cette semaine. Oh non! Oh, » Tout était prête. Mais oui, surtout que j'avais manqué la semaine dernière en plus. Tout à fait. Donc, de quoi tu nous parles aujourd'hui, Alexandra? Cette semaine, là, j'essaie d'être le plus zen possible parce que ça roule. Hein? Là, l'hiver commence, tout entre. Là. Alors, je vais vous donner une zénitude. Oh. Je vais vous montrer cette semaine une pièce de théâtre que j'ai découvert, non pas avec la comédie musicale, mais avec le film. Okay. Ça s'appelle « Once ». Donc, pour ceux qui ça leur dit quelque chose, eh bien, en 2006, c'est un film d'Angleterre qui a gagné un Oscar qui est magnifique. C'est un film comédie musicale, mais pas du tout comme une comédie musicale. Okay. C'est quelque chose qui est... C'est comme si on allait faire une comédie musicale dans un film, film de répertoire. Là. OK. Alors, c'est super c'est bon. C'est pas Airspray, là. Non. Et d'ailleurs, vous allez l'écouter, là, et vous allez vous dire, oh mon Dieu, OK, non, c'est pas une comédie musicale. Et d'ailleurs, j'essaie de vous montrer des comédies musicales qui ne ressemblent pas à ce qu'on pense d'habitude. Ben oui, c'est ça qu'on aime, justement. Et en fait, c'est arrivé en 2012 sur Broadway. C'est écrit par Glenn Hansard et Marketa Irglova. Je suis content que c'est toi qui le dise. Oui. Et ce sont en fait les deux acteurs de la comédie musicale. Donc, ceux qui ont fait le film, c'est eux qui ont écrit. C'est les créateurs. Oui, c'est les créateurs, c'est eux qui actent et c'est eux qui ont fait les chansons et tout. C'est arrivé sur Broadway en fait en 2012 et ça l'a été nominé 11 fois. Ça l'a gagné 8 récompenses, dont la meilleure comédie musicale. Donc, la comédie musicale de l'année en 2012, c'était Once. On a meilleur acteur avec Steve Causey. On a meilleur livret, meilleur décor, meilleure scène, meilleure lumière, meilleur son, meilleure orchestration. Et pour les geeks de... Je sais que le gars qui déchirait l'étiquette, il a gagné le meilleur déchireur d'étiquette. Meilleur déchireur d'étiquette. Il y a plein de catégories, c'est fou. Mais ils en ont gagné beaucoup. D'ailleurs, pour ceux qui aiment How I Met Your Mother, sachez que la fille, c'est la mère. Alors, Kristen Milioti, qu'on voit dans How I Met Your Mother cette saison-ci pour la première fois, c'est elle qui joue, en fait, Girl. L'histoire de Once, c'est quelque chose de très beau et rien de catchy. Là. Mais quand on dit rien de catchy, il n'y a rien de catchy. Okay. C'est l'histoire de Guy. Donc, Guy et Girl. Girl. Oui, c'est assez simple. Que ça. L'histoire de Guy, qui est en fait un musicien désabusé. Ça existe, ça. Ça existe apparemment. un parmi tant d'autres. Okay. Guy, musicien désabusé, qui s'est fait laisser par sa blonde. Hein, fait que ses tunes sont toutes tristes et très senties. Et surtout, depuis qu'il s'est fait laisser par sa blonde, en fait, il veut plus faire de musique parce qu'il est trop... Tu sais, faire de la musique, ça va être près de ses sentiments. Puis là, ben lui, il veut pas tout le temps ressasser le fait qu'il s'est fait laisser par sa blonde. Fait qu'il chante un petit peu dans la rue pour ramasser de l'argent, mais il travaille sur des balayeuses, en fait. Et alors qu'il fait une chanson dans la rue, il y a Girl... qui passe et qui lui demande plein de questions parce qu'elle adore ce qu'il fait. Donc, mais, et c'est une tchèque, en fait, cette fille-là, okay. qui a une petite fille aussi. Vie très compliquée. Et elle lui demande pourquoi tu as écrit ça, ainsi de suite. Et finalement, en fait, elle l'oblige un peu à jouer avec lui. Elle, qui fait du piano. Okay. Et à ce moment-là, elle sort une partition et dit, gars, on va jouer ensemble. Puis lui, comme, je verrais pas pourquoi qu'on jouerait ensemble. Parce qu'en fait, elle l'a appelé pour réparer son aspirateur qui est pas brisé. Fait que finalement, Edgar, petite défaite. Tant qu'à être là, on va jouer. Personnage très particulier, Girl, d'ailleurs. Là. Dans la comédie musicale, quelqu'un de très décalé, un peu dans son monde. Okay. Dans le film, elle a l'air quelqu'un d'un peu très différent, en fait, quelqu'un de très simple, en fait. Dans le film, un peu dans son monde. Et ils vont écrire, ils vont faire la chanson qui s'appelle Falling Slowly. Et à partir de ce moment-là, tout change. Ils vont bien ensemble musicalement, ça produit bien. Ils vont se partir un petit band et lui se rend compte que de plus en plus, il l'aime beaucoup. Mm-hmm. Mais elle aussi, elle a une attirance vers lui, mais elle ne veut pas. Okay. Donc là, il y a quelque chose qui va se dévoiler. Il y a aussi. Il y a une espèce d'histoire d'amour entre deux personnes qui. Qui sont tristes dans la vie. Elle, c'est une mère monoparentale avec sa fille. Puis lui, ben, c'est un jeune écorché de la vie. Et c'est toute la comédie musicale, c'est vraiment sur le moment présent, sur deux personnes qui s'aiment mais qui ne peuvent pas être ensemble. C'est une très belle comédie musicale. Et en fait, la musique est très folk. Okay. Donc, personnellement, on dirait que Mumford & Sons okay. a écrit la pièce. C'est musicale, un peu ça, genre. C'est beaucoup de guitare. Et ce qui est intéressant dans la comédie musicale, c'est que le cast, c'est l'orchestre. C'est eux qui jouent. Oui. Alors, dans le fond, je vais vous faire écouter une tune tantôt qui est oui. Gold. Et Gold, il l'a fait dans un café, dans un open mic. Et ceux qui sont dans la... Quand on regarde la comédie musicale, ceux qui sont assis et qui le regardent, il y en a une qui a un violon, l'autre okay. qui a... T'sais. Donc, le cast, c'est l'orchestre. C'est des musiciens aussi, ouais, donc ça. En plus d'être des comédiens. Exactement. Alors, c'est vraiment une très belle comédie musicale. Je vais aller vous en faire écouter une partie tout de suite. Premièrement, Falling Slowly, qui est en fait le bout où est-ce qu'elle l'oblige de jouer avec, puis que c'est la première connexion qu'ils ont musicalement parlant. Et c'est la chanson la plus connue aussi de Once. Sûrement qu'elle va vous dire quelque chose. Alors, on va l'écouter. Falling Slowly de Once. You've won. Take. it all. Oh, I played the cards too late. Now it's gone. C'était Falling Slowly de Once. Donc, on voit, c'est très... Quand je dis folk, c'est guitare, piano, c'est aussi simple que ça. Une très belle harmonie de guy et de girl, qui est en fait, bon, la première fois qu'ils vont vraiment connecter ensemble, parce que, c'est comme là, ben là, OK, moi, je vais jouer avec toi. Là. À partir de là, il fait, OK. Ah, c'est le fun de jouer avec chose, toi. Tu sais, ça va bien. Et à partir de là, là, c'est ça. Tu sais, tout va débouler. On va se rendre compte que, tu sais, lui, il va commencer à plus penser à son ex, puis à vouloir plus passer de temps avec elle. Et c'est ça, en fait, elle, tu sais, on va se rendre compte que, ben, elle a quand même un... Elle n'est pas encore divorcée de son mari. Puis son mari veut essayer de revenir avec. Puis lui, en fait, le gars, il s'en va à New York pour continuer sa carrière de musicien. T'sais, c'est une belle histoire. Elle est cute. Elle finit... Ah. C'est pas, je peux pas dire qu'elle finit bien, mais elle finit... c'est pas triste. C'est la vie. Ouais, c'est ça, en fait. Parce que, tu sais, les comédies musicales, souvent, comme je mentionnais tantôt, c'est comme, ah, ben là, je me regarde dans le miroir puis je pousse la chansonnette. Ça, il y a tout le temps un contexte de, on est dans le band où il y a le band à côté qui chante une chanson pour interpréter. C'est comme plus crédible, mettons, pour quelqu'un qui n'est pas habitué, là. Oh oui, c'est très, très, très, une très belle comédie crédible. C'est sûr qu'il faut aimer piano, piano, guitare, là. Piano voix. Et voilà. Et il y a beaucoup d'influences tchèques aussi parce que, eh bien, justement, là, celle qui a écrit la comédie musicale, Markéta Irgolva. Oui, elle, là. Irgolva, elle est tchèque et elle interprète son personnage. Donc, il y a deux, trois chansons qui ont des allures un peu plus tchèques, qui brassent plus. Mais le reste, c'est vraiment là, folk anglais là, d'Angleterre. Et la deuxième chanson que je voulais aller vous faire écouter, en fait, c'est le moment où est-ce qu'il va chanter Gold. Et en fait, c'est là où, à l'open mic, qu'il se rend compte que au début de la comédie musicale, il chante ça pour son ex-copine. Et Gold... Il la chante plus pour son ex-copine, il la chante pour Girl. C'est le moment où il se rend compte qu'il est en amour avec elle. Oh. Donc, on va aller écouter Gold. I love her so. I wouldn't trade her for gold. I'm walking on moonbeams, and I was born with a silver spoon. And I'm gonna be me. I'm gonna be free while I'm walking on moonbeams and staring out to sea. If a door be closed, then a row of homes start building. Tear your curtains down, for sunlight is like gold. And you better be you. Do what you can do. When you're walking on moonbeams, staring out to if your skin was soil. How long do you think before they start digging? If your life was gold, how long do you think you'd stay living? I love her so. I wouldn't trade her for Alors, c'était Gold, encore une fois, de la comédie musicale Once, qui est apparue sur Broadway en 2012. C'est très joli, j'aime bien. Moi, tu sais, quand même, je suis pas habitué comme toi, et puis ça, j'aime ça, parce que je dis, c'est une pièce folk anglaise avec les violons, oui. Puis tout, c'est le fun. Ben, j'aime en fait, ça. C'est ça, c'est facile de faire un... Ça pourrait être une toune sur un CD d'un chanteur folk, tout à fait. Là, random, parce qu'en fait, c'est ça, c'est quelque chose qui est très polyvalent, et toute la trame sonore est polyvalente. Là. C'est pas des chansons de situation, là, genre « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Mais là, qu'est-ce que j'ai fait? » Non, c'est vraiment senti. Et juste question, est-ce qu'il y a du rythme dans le sens des percussions à des places? Parce que dans ce que tu nous as fait écouter, il n'y en a pas, mettons. C'est très... Oui, il y en a. Okay, il y en a, mais c'est pas des grosses percussions. C'est peut-être des percussions un peu à la Mumford & Sons, avec un pied... c'est ça, un rythme. Un floor tom, puis à peu près exactement. Un shaker, c'est tout. Là, puis... On reste dans ces... Sauf pour les chansons tchèques. Là, ouais, ça jamme un petit peu plus. Là, y a c'est ce que je me disais, le côté tchèque, il doit avoir une rythmique. Oui, ceux-là, ils se captent bien sur la trame sonore. Tu fais okay, oui, c'est elle. Il y en a une qui est faite juste en tchèque, d'ailleurs. OK. Où est-ce que le gars va rencontrer la fille de Girl? Là, c'est une chanson tchèque parce qu'il arrive chez elle, puis elle a sa mère là, et sa famille. Là. Mais là, ça bouge vraiment en plus. Là. Mais sinon, ça va être très senti. Il va y avoir des chansons un peu plus bougées, mais là, ça va être encore une fois un peu comme du Mumford & Sons. C'est plus un drum pour les pieds. Mais ça vaut la peine. Vous voulez, comme c'est ça, une petite trame sonore là, qui n'est pas de cassage de tête, qui est très calme, eh bien, vous pouvez vous acheter la trame sonore autant de la comédie musicale Once que la soundtrack du film. C'est-tu à peu près la même chose? C'est la même chose. Okay. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris le film et ils l'ont mis en comédie musicale sur Broadway. Et en fait, c'est ça, c'est pour ça. Les prix qu'ils ont gagnés, c'est beaucoup plus l'adaptation, mm-hmm. Donc la lumière, le son, les décors. Si vous n'avez pas vu le film Once, faites-le. C'est un beau film. Tu sais, dans les 500 jours, 500 Days of Summer, Little Miss Sunshine, c'est dans le même genre de film, indépendant. C'est pas des jeunes, c'est fin trentaine. Okay. C'est un très, très beau film. Il a gagné plein d'or. Ben, en fait, il a gagné un Oscar. Il a été nominé pour plusieurs. Alors, je vous recommande très fortement. Et ça s'apparente bien aussi à l'automne. À la température, au temps. Exactement. Ben, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Comédie, je vais mettre Alex. Sur le Facebook du Dîner de con l'extrait de Gold qui ont performé au Tony Award. Mais je suis content aussi que tu nous dises qu'on peut aller voir le film parce que, comme on ne peut pas voir jamais les comédies. Mais c'est ça, on ne peut jamais voir la comédie musicale. Ben, mais là, je pourrais me donner une idée cette fois-ci. Et voilà. Merci. Merci, Alex. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. on était en ronde à partir de vendredi. Il y a eu évidemment une panne de courant à Trois-Rivières. Je pense que la majorité des gens sont au courant. Oui, et qu'il y avait des vents. Qu'il y avait des vents. Mais c'est... contrairement à la croyance populaire, c'est pas l'antenne qui est pétée. Non, notre antenne va très très bien. L'émetteur aussi. Par contre, ce qui a pété, c'est l'exciter. Notre excitatrice. C'est ce qui rend la radio excitante. Donc, si jamais la radio devient plate dans les prochains jours, c'est parce qu'on n'a pas d'exciter. Voilà, exactement. Tout va bien. On est rouillé, on a raté hier. C'est ça. Faut se remettre dans le bain. Et parlant de se mettre dans le bain, je pense que je devrais commencer directement avec des questions difficiles pour toi. Mm-hmm. Toi qui es vraiment bon devinateur. Donc, voici le quiz. Écoutons la don, la chanson. Écoutons maintenant la chanson, c'est le quiz d'Assemblage Requis où je t'offre, Jean-Philippe, un bloc musical composé de trois pièces et tu dois deviner le lien qui les rassemble. Je regarde justement les titres à l'instant. Oui. Tricheur va. Ah ben là. Non mais là. Donc tantôt il va y avoir du Summerland et du On a créé un monstre. Mais on va débuter avec une pièce de Carquois. Vous le savez, Carquois c'est un groupe fétiche des radios universitaires depuis très très longtemps. Peut-être moins depuis qu'on a su pour Louis-Jean Cormier à la voix. Mais quand même. On aime ça de toute façon. Donc, on les écoute tout seul. Voici Carquois et le volume du vent. Genre tout de suite. C'est instrumental, ça commence très bien un bloc. Oui. Écoutons la donne, la chanson. Regard pour lequel je craque. chaleur. Le long de ce tapis roulant, on souriait en dansant de concert. Pour attraper le vent d'ailleurs, changer de dehors pour vider l'intérieur. Les pieds vers l'inconnu, la montre au fond du sac, un regard incendiaire, regard pour lequel je craque. C'était notre bloc. Écoutons-la donc la chanson. Petit bloc quiz d'assemblage requis où j'ai proposé trois pièces à Monsieur Jean-Philippe Charbonneau. Il doit deviner le lien qui les rattache. Oui, ben écoute, Mathieu, je vais y aller comme si on se connaissait pas. OK. Je vais proposer quelques hypothèses. On va commencer avec le mot « vent ». Qui est récurrent dans les trois titres des trois chansons. Est-ce que tu me dis les noms des trois chansons? Oui, on a eu Le volume du vent de Carquois, Le vent d'ailleurs de On a créé un monstre et Coup de vent de Summerland. OK, donc toi, tu vois du vent. Je vois du vent. Donc ça aurait été la réponse facile. Tu n'y verras que du vent, et si je prends le vent. Et puis, mais ça, c'est trop facile pour que ça soit du Mathieu Plante. OK, oui. Tu me connais. Pourtant, tu disais que tu me connaissais pas. Fait que ton jeu de rôle marche oui, moins ça, bien. Non, mais oui, mais là, je fais c'est des apartés. OK, des apartés. On n'est pas en onde, là! Non! Silence radio! On tourne! Il y a la présence de beaucoup d'onomatopées. OK. Dans ces chansons-là. Hein, on a entendu puis aussi papa. Donc, il y a ça. Sinon, ils ont toutes presque le même nombre de lettres. C'est bon, ça. Des fois, j'aime ça. c'est ça. Là, j'essaie de voir avec les artistes, mettons, les lettres se suivent. Okay, ça n'arrêtait pas pire aussi. L'alphabet, oui. Oui, mais non, écoute, j'arrête avec ça. J'arrête avec ça. Je donne ma langue au chat, Mathieu. T'es allé chercher trop loin, JP. Ah, Colin. Pourtant, c'est clair. Là. Car quoi, le volume du vent? Volume. On diffusait à zéro de volume. On diffusait rien pendant la fin de semaine. Volume à zéro. On a créé un monstre. Le vent d'ailleurs, ben, Colin, créer un monstre, créer, ça nous a empêché de créer de la radio puis du contenu. Et Summerland, avec la pièce Coup de vent, ben Summer, ça nous a assommé, c'est un assommeur. Come on, ça donnait des coups. Ça donnait des coups. Des coups de vent. Coup de vent. Ah. Summer, assommeur, voyons. Ah. Tu fais face à dessin, sortir Yves Corbeil de la place. Voilà. Merci Mathieu. C'était écouté dans la chanson, c'est le fun, hein? Oui. Ouais, c'est le fun. Peut-être qu'un jour, le jour où je vais l'avoir, je vais mériter vraiment un gros cadeau. Ça va être un foutu hasard, moi. Oui. Tu vas être fâché d'avoir été aussi peu original que tu puisses le trouver. Ou je vais être vraiment en forme, là, puis je vais voir en 3D. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de cons un certain midi cette semaine. Tiens, allons parler d'une autre jeune Canadienne, et non pas Alexandra Carignan. Plutôt, Erin Witherspoon. Et qu'est-ce qu'elle fait, Erin Witherspoon? Eh bien, elle séduit les hommes pour manger gratuitement. Donc, c'est une jeune Canadienne de 23 ans, une actrice fauchée. Elle a décidé de se laisser inviter par des hommes afin de manger à leurs frais. Une profiteuse, comme on dit, ou une agace-pissette en bon québécois. On peut dire ça comme ça. Je vais vous donner plus d'informations sur la dame. Donc, nous savons tous obtenir ce que nous désirons dans la vie est difficile. C'est pourquoi j'ai décidé de laisser les autres financer mes rêves. Mon rêve, moi, c'est de manger dans de bons restaurants sans avoir à débourser une scène. Voilà ce qu'on peut lire en première page du blog de Erin Witherspoon, cette Canadienne de 23 ans qui a donc un simple objectif, manger gratuitement. Et pour cela, tous les moyens sont bons. Depuis quelque temps, elle se fait alors inviter régulièrement dans des bons restaurants par des hommes rencontrés sur Internet. Sa démarche est désormais bien rodée et jamais de second rendez-vous, hein? Et elle dispose même d'une liste de 48 restaurants futurs où elle voudrait aller pour ses prochaines sorties à Toronto. Sur son blog, Erin nous fait partager ses rendez-vous dans les meilleurs restaurants de la ville et ainsi que ses états d'âme. Exploiter des hommes pour un repas gratuit, c'est compliqué, écrit-elle. Je dois me farcir beaucoup de discussions pourries et au final, je ne sais pas si je vais pouvoir supporter ça. Oui, j'ai très bien mangé, mais est-ce que je perds mon temps? Moi, je vous le dis, oui, t'es une profiteuse. En haut, elle n'hésite pourtant pas à se faire passer pour une juive afin d'attirer des hommes sur le site G-Date, hein, Joey, un site de rencontre réservé à la communauté juive. Et même si son compte a été désactivé dans la foulée, elle assure qu'elle ne se décourage pas pour autant. Sa nouvelle cible, eh bien, les immigrés récents qui n'ont pas encore eu vent de sa réputation et ils sont donc des proies faciles. Car depuis le temps, certains hommes ont compris le stratagème. Erin raconte qu'elle a eu un jour un rencard avec l'un d'eux. Celui-ci avait prévu au départ de la mener en bateau et de la laisser payer l'addition. Mais devant le charme de la paix et la personnalité d'Erin, selon ses propres mots, le jeune homme a finalement décidé de partager la note et les deux Canadiens ont donc passé le reste de la soirée ensemble à bavarder. On n'apprend pas s'il se passe quelque chose après, si elle propose quelque chose, non. Elle ne se fait que inviter à manger, dit-elle. Hein? Ben oui, pourquoi pas. Ici, on s'en va parler d'une grand-mère britannique qui s'excite royalement sur le jeu GTA V, Grand Theft Auto, hein, qui a dit que seuls les jeunes avaient le droit d'être influencés par le caractère violent des jeux vidéo. Eh bien, cette grand-mère d'origine britannique nous prouve ici que les personnes âgées aiment aussi parfois se défouler avec ces jeux. Et donc, ils disent aiment se défouler avec les jeux vidéo, quitte à amocher sérieusement l'image lisse de la gentille mamie au gâteau. Hein, elle aurait pu avoir passé l'âge de jouer à la console de jeu et pourtant son âge, cette Anglaise semble prendre encore un malin plaisir. Mais vraiment, moi, elle m'a donné le goût de jouer à sa façon parce qu'elle est complètement folle. ben pas, je dis pas ça négatif, là. Elle est filmée ici, dans la vidéo que je vous propose, manette à la main, une mignonne petite mamie qui semble s'être glissée avec fureur dans la peau d'un narcotrafiquant tabassant et collant des beignes à tous ceux qui ont le malheur de se retrouver virtuellement sur son chemin. Surprise l'autre jour à son insu en train de jouer à Grand Theft Auto 5 dès la mise en ligne de cette vidéo. Le 29 octobre, cette dame âgée n'a pas manqué de faire le buzz. Casque visé sur les oreilles et manette en main, cette grand-mère aux cheveux blancs fait la démonstration ici que les jeux vidéo ne sont définitivement pas la chasse gardée des adolescents ou des jeunes adultes. Bastonnant et corrigeant à tour de bras tout ce qui se trouve sur son chemin, possédé par le démon du jeu, cette grand-mère glissée dans la peau d'un dangereux malfrat. Dans la vidéo, elle utilise Trevor, qui est le plus fou des trois personnages, complètement. Donc, elle n'y est pas allée de main morte sur les insultes à répétition, encourageant son avatar avec des hurlements et des cris d'excitation à faire froid dans le dos. Non, moi, elle me fait vraiment rire. Elle commente elle-même son jeu, puis elle parle, tu sais. « Ouais, vas-y! » Non, elle se parle à lui. Elle se parle à lui-même, oui, parce que c'est un homme qu'elle incarne, mais elle parle aussi aux gens dans la rue qu'elle rencontre. Elle colle des claques à gueule, bute n'importe qui, fait brûler du monde avec son bidon d'essence. C'est assez particulier. Donc, à 86 ans, Hilda Knott, elle aussi, joue à GTA 4 et Call of Duty. Comme son homologue britannique, l'anglaise Hilda Knott aime aussi se caler durant de longues heures devant sa console pour jouer à des jeux de vidéos de toutes sortes. Elle est âgée de 86 ans. C'est une lady qui aurait affirmé lors d'un reportage à la BBC qui lui était consacré que jouer aux jeux vidéo l'aider à rester mentalement active. Tout à fait. Les jeux me permettent de rester active, dit-elle. La plupart des jeux sont comme des puzzles. J'aime chercher à aller au niveau supérieur. Mais elle dit aussi qu'elle aime Call of Duty et GTA 4 à l'époque. Sentez-vous pas mal si vous avez le goût de jouer. Je pense qu'il n'y a rien de mal à ça. La seule chose qui est mal là-dedans, c'est si vous n'avez pas de vie et que c'est votre seul but dans la vie. Ça devient un petit peu plus triste cette fois-ci. Ici, on va aller parler de spa. Hein? Un spa qui vous propose de vous faire masser donc par des serpents. OK. Ça se passe à Jakarta, en Indonésie. C'est un spa qui offre à ses clients la possibilité de relaxer en leur déposant des serpents vivants sur le dos. Hein? On connaissait déjà le massage à base de couteaux, à base de chatouilles ou à les poissons qui nous mangent les dessous des pieds, hein? Qui consiste bien sûr à se faire manger les dessous de pieds par des poissons. Mais celui-ci est d'un tout nouveau genre. Il s'agit en effet d'un massage effectué par des serpents. Ça se passe à Jakarta, en Indonésie. Ce spa a eu une idée surprenante pour 47 $. Eh bien, il propose à ses clients un massage à base de serpents vivants. Plusieurs pitons, gros reptiles pouvant mesurer 9 mètres, sont déposés sur le dos des courageux qui viennent pour se relaxer. Les bienfaits de cette technique, bien connue en Asie et au Moyen-Orient, ne sont, paraît-il, plus à démontrer. En effet, les mouvements du serpent sur le corps seraient relaxant à la montée et la montée d'adrénaline causée par leur peur, aurait un effet positif sur le métabolisme du client. Il permettra en outre de soulager des douleurs musculaires en profondeur et de stimuler ainsi la circulation sanguine, la peur, augmentant le rythme cardiaque et, par le fait même, l'afflux sanguin. Les propriétaires du spa de Jakarta assurent qu'ils prennent toutes les mesures nécessaires afin que ça ne soit pas dangereux. Ils affirment que les serpents ne sont pas venimeux et qu'ils sont bien nourris 30 minutes avant chaque massage. Les soigneurs sont cependant présents pour des questions de sécurité évidentes afin d'assurer le bon fonctionnement de la séance. Si on peut légitimement se poser la question sur l'intérêt de telles pratiques, le directeur du spa affirme que c'est une sensation incomparable. Le mouvement du serpent glissant sur la peau étant quelque chose que les masseurs ne peuvent pas réaliser. Par ailleurs, une interview reliée par le Daily Mail avec une cliente du spa a déclaré avoir voulu essayer quelque chose de nouveau et d'excitant. Pour ceux qui seraient intéressés, le même spa propose entre autres des massages d'une heure avec des balles de golf chaudes ou encore des bains à la bière. Donc, rendez-vous à Jakarta pour des massages particuliers. Mais je suis sûr qu'il y a d'autres massages particuliers à Jakarta. Mais bon, on s'éloigne un peu. Ici, juste rapidement, je vais vous en parler. Bien intéressant, c'est la vidéo de Virgin America, hein, compagnie aérienne de Richard Branson. Ce philanthrope extraordinaire est destiné à expliquer les consignes de sécurité et à appliquer dans leur avion est en train de faire un buzz. Hein? Vous le savez, à chaque fois qu'on prend l'avion, eh bien, on nous donne les consignes de sécurité. Eh bien là, c'est la même chose, mais c'est une vidéo, ma foi, déjantée. Ça dure un bon 5 minutes et ça explique vraiment tout. Comment attacher la ceinture, comment se préparer pour les masques à gaz, les consignes de sécurité, où se retrouvent les portes pour sortir en cas d'écrasement, les genres de trucs, les glissades là, pour sortir de l'avion un coup qu'on est atterri. Il va tout, mais avec un rythme, ma foi, endiablé. Je ne sais pas si on peut aller écouter quelques secondes. Tu sais que vous allez voir. Blow into the red tube and you got a refill. There's a bright locator light and it's right on your shoulder. Thank you for your attention, this robot rap is over. Just in case we must evacuate, we've got a plan of attack. We've got a plan of attack. For when no exits on this airplane, for exit doors to win the front. Alors vous comprenez un peu la façon de faire. Très moderne, très américaine. Et puis c'est clair que c'est plus intéressant. Rempli de chorégraphies, de belles jeunes femmes et de beaux jeunes hommes. C'est à voir, vous allez voir. Et c'est pas pour rien que ça fait un buzz sur la toile. C'est très, très bien fait. Et puis ça fait un peu différent des petites consignes de sécurité assez brunes qu'on est obligé de subir avant chaque départ. Donc, allez voir ça, ça vaut la peine. Et puis sinon, qu'est-ce qu'on s'en va écouter tout de suite? Parce que, bon, ah oui, celle-là, c'est assez exceptionnel. Un pilote d'hélicoptère en Chine, donc, utilise son appareil pour réussir à décapsuler une bière. Donc, le week-end dernier, la ville de Laiwu, en Chine, a accueilli le tournoi des pilotes d'hélicoptère. Et durant cet événement, l'épreuve la plus redoutable consistait à ouvrir des bouteilles de bière en utilisant un hélicoptère en vol. Vous avez bien compris. Donc, la vidéo, c'est ce que ça vous montre. C'est une série de méthodes invraisemblables pour décapsuler une bouteille de bière. Ça, c'est assez extraordinaire. Hein? C'est pas n'importe qui le fait. C'est pas comme avec l'intérieur de ton bras là, ou avec tes dents ou quelque chose. Non, c'est un petit peu plus spectaculaire. Donc, si au moment de siroter une bière, vous vous apercevez que vous n'avez pas d'ouvre-bouteille, à la main, allez chercher un hélicoptère et le pilote aussi doué que Zhang Jiang. L'appareil pourra donc être alors utilisé pour ouvrir votre bouteille. Lors de ce concours qui regroupe les meilleurs pilotes d'hélicoptère, une des épreuves consistait justement à ouvrir cette bouteille de bière. Le pilote a su faire preuve d'une technique incroyable et d'une précision sans faille en maniant son engin. Avec délicatesse, il est parvenu à décapsuler la bouteille. Seulement au bout du patin d'atterrissage, on retrouvait un décapsuleur afin de faciliter la tâche au pilote. Allez voir la vidéo. Assez particulier, vraiment. Chapeau. Et tiens, on va se faire une dernière petite nouvelle avant d'aller en musique. Je vais juste choisir les meilleures parce que j'en ai tellement de nouvelles. Bon, oui, j'ai le goût de parler de celle-là ici. Une femme qui se transforme en dominatrice en l'absence de son mari. C'est pour s'acquitter des tâches ménagères. C'est une femme au foyer qui a trouvé un moyen bien original. Elle se transforme en dominatrice et reçoit ses clients chez elle pour une séance de ménage. Ah, donc elle les oblige à faire le ménage à sa place. C'est comme ça un peu qu'on pourrait comprendre. On y va comme ça. C'est Vodka, W-O-D-K, K-A, là. Vodka, une marque de vodka polonaise, a fait appel au talent de communication de Chris Sander pour élaborer une nouvelle campagne publicitaire. Dans son court spot publicitaire, il mélange tâches ménagères et actes sadomasochistes. Avant de partir au travail, ce mari attentionné qui voit que la maison est sans dessus-dessous se propose de nettoyer. Seulement sa charmante femme, consciente de ce que ce dernier lui doit se rendre au travail, lui le rassure en lui disant qu'elle s'occuperait de tout. Si le ménage sera effectivement fait et le repas préparé, ce mari est loin de s'imaginer à quel point sa femme essaie d'émener pour que tout soit prêt. Au lieu de se fatiguer, cette femme fait appel à plusieurs hommes en quête de domination. Elle réalise donc leur fantasme sexuel pour forcer ces hommes à réaliser toutes ces petites tâches de la vie quotidienne. Dès leur arrivée, le ton est donné. Elle leur crie dessus, les frappe et tout cela pour un résultat impeccable. Ces hommes, totalement soumis, prennent plaisir à réaliser les moindres désirs de leur grande maîtresse. Donc, tenue noire en latex, jeune femme et fouet qu'elle tient à la main ne laisse aucun doute sur le fait de ce qu'elle est et qu'elle dirige. Tous les clients sont donc à sa merci. Ils rangent astic, récure et vont même jusqu'à préparer à manger. Pour chaque tâche, la ménagère, elle a un client particulier. C'est également pour cela qu'à la fin de la vidéo, on découvre une maison impeccable. Le dernier homme qu'elle attend est bien sûr son mari, qu'elle accueille avec des coupes de vodka, en n'oubliant pas de préciser qu'elle a travaillé toute la journée. Elle fait même une petite référence subtile aux nombreux esclaves qu'elle a reçus au cours de la journée, sans bouger le petit doigt. Cette femme a donc réussi à tenir sa promesse, mais son mari est loin de se douter du nombre d'hommes qui se sont succédés dans sa maison. La vidéo est bien intéressante. Donc, un beau coup de publicité. Et tiens, on va s'en faire une dernière. On va rester dans le sexy. C'est un commentaire sur une photo sexy de Kelly Brook qui lui coûte son mariage. Vous avez bien compris, donc. Exprimer son admiration pour une photo en lingerie sexy diffusée sur la toile peut coûter cher. Et ce père de famille britannique l'a appris à ses dépens. Fervent admirateur de la plastique de Kelly Brook, Tom, un habitant de Manchester, a laissé un commentaire légèrement déplacé sous un article consacré à l'actrice et modèle anglaise, tandis qu'il surfait sur le site du Daily Mail. Problème, son épouse a découvert la teneur de son propos. Dans le dit commentaire, Tom explique qu'il trouve Kelly Brook tellement sexy qu'il serait heureux, de laisser sa femme et ses enfants pour une seule nuit avec elle. Une réaction sans doute excessive qui a provoqué donc un véritable tollé de la part des autres lecteurs du tabloïd. Et l'un d'eux se demande en effet comment Tom a réussi à se marier avec cette attitude ahurissante et d'y espérer que sa femme lise ça. La première chose que tu verras demain sera tes affaires emballées dans un sac poubelle sur le sol, ajoute un internaute outré. Alors, les souhaits de ces derniers ont rapidement été exaucés. Quelques heures après l'apparition du commentaire de Tom, sa femme s'est fendue d'une réponse sans détour. Mon idiot de mari a oublié que ses commentaires sur le site de Daily Mail étaient liés à son compte Facebook. Tu ne mérites pas nos merveilleux enfants et j'espère que ton frère a assez de place sur son sofa, car je vais changer les serrures de la maison. En tout cas, Tom n'est pas le premier à succomber face au sex appeal de la jolie Kelly. Bien que méconnue dans l'Hexagone, la modèle est régulièrement citée parmi les femmes les plus sexy du monde outre-Manche. En mai dernier, elle figurait ainsi dans le classement des 20 femmes les plus sexy de l'année 2013, établi par le magazine FHM. Hein? Faire attention! Maintenant, tout est lié à tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on dit peut être retenu contre nous. Pareil comme avec la police. La police, tu lui parles pas, tu dis oui, même pas. Tu dis rien, tu fais des signes de tête. Pareil comme avec votre femme, des fois, hein, messieurs, mesdames, faire attention. Tout ce que vous pourrez dire pour être retenu contre nous. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. Véronique Mire vient remettre les choses dans l'ordre. Elle qui le fait aux deux semaines, mais ça fait un peu. Ça fait un mois. Un mois, il me semblait. Quand même. Il me semblait. Où suis-je passée? À moi qui donnais des conseils d'organisation du temps l'année passée et tout. Elle a cette année, Mais bon, me voilà. Je suis là, c'est ça l'important. Bon matin. Non, c'est ça. Mais. C'est parce qu'on vient d'entrer dans le Véronictionnaire. Oui! C'est la lettre M, deuxième partie aujourd'hui. Oui. On est encore dans la lettre M. Avant de commencer, avis à tous. Hier, je suis allée voir Bad Grandpa, le dernier film de Johnny Knoxville. OK. Déception totale, hein? Oh! Le gars de Jackass, si... hein? Ouais, c'est ça, exactement. C'est l'affaire avec le grand-papa? Le grand-père, oui, c'est Johnny Knoxville qui fait grand-père avec un petit-fils. En fait, moi, je m'attendais à une série de sketchs un peu comme à la Jackass. Donc, c'est un film genre à scénario, quoi? Ouais, ça se veut. Ah. C'est un film, finalement. Fait que, en tout cas, il essaye de plugger. Il y a des sketchs, il y a des bouts de... Enfin, non, c'est vraiment décevant. Il y a un bout que j'ai pleuré de rire, là. Un. Puis après ça, je me disais, ça y est. Je me disais, tout le reste, c'était une joke. Après ça, ça va partir. Puis non, tout le reste, c'était poche. Fait qu'en tout cas, perdez pas 5$ là-dessus. Comment il s'appelle? Hein? Le film? Bad Grandpa. Bad Grandpa. D'accord, on retient Bad ça. Bad Movie. Et on y va pas. Oui, Bad Movie. Voilà, donc, deuxième partie de la lettre M aujourd'hui. La semaine, dans deux semaines, ça va être la lettre L. On y va dans l'ordre inverse, c'est quand même fort. Oui, c'est ça. Puis après ça, on va sûrement faire un combo, hein, JK ou Koji. Là. Koji. À suivre. Je vais cogiter là-dessus. Ouh! C'était facile. Oui, ça, c'est facile. Quand même. Mais ça m'a jamais empêché. Non. Commençons par maïs. Oh, maïs paiement. Maïs. Non, maïs. Non, on dit maïs. Et plus précisément, du maïs frais. Je ne parlerai pas de popcorn. Donc, en fait, juste pour bien le choisir, l'été, hein, des fois, là, bon, on voit tout le monde, il y en a qui les ouvrent tout au complet. Il y en a qui les freinent. Ils l'écoutent, ils le sentent. Parle-moi. En fait, il faut juste qu'ils soient bien cachés dans ses feuilles. Les feuilles doivent être bien vertes. Et puis, pour savoir si le maïs est frais, regardez là, à l'extrémité où il a été cassé. Plus c'est blanc, plus c'est frais. Oh! Ouais. C'est bon, ça. Puis moi, je savais pas ça, le poêle du maïs, ça s'appelle la barbe de maïs. La barbe? Hein? Hein? C'est pas pire. Fait qu'on est dans le Movember, mais là, c'est de la moustache, mais quand même. Barbe, moustache, et voilà. Les mangues. Ah oui, c'est bon. Les mangues. Il faut qu'ils soient mûrs. Oui. Dans du yogourt. Il faut que ce soit mûr. Ouais. Moi, je mange pas de fruits frais, ça paraît-tu. Juste dans du yogourt. Juste dans du yogourt. Puis le problème, mais c'est, JP, tu l'as dit, il faut que ce soit mûr, mais le problème, c'est que ça mûrit tellement vite. Oui. Une mangue, tu te revires d'abord, puis elle est plus bonne. Exact. C'est vraiment, ça va assez vite. Donc, s'il y a des petits points noirs sur la mangue, ne vous inquiétez pas, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne. C'est seulement la chair qui prend cette couleur-là. Donc, en fait, pour savoir si elle est mûre, vous avez juste à peser un petit peu dessus. Puis si sa chair cède sous la pression de vos doigts, ça veut dire que je fais beaucoup de gestes, mais ça sert absolument à rien. On comprend. Ça veut dire qu'elle est mûre. Aussitôt qu'elle est mûre, mettez-la au frigo. Comme ça, vous allez vous assurer qu'elle ne va pas passer date, okay. En fait. Donc, au frigo, elle se conserve 3 jours. Puis, vous pouvez la mettre en purée dans des petits bacs à glaçons puis en faire ensuite des frappés ou des yogourts ou des pains gâteaux. Donc, hein, c'est rare, je fais ça chronique culinaire oui, un peu ce matin. Mais bon, ça tombait là-dessus. Puis, mon prochain mot est encore dans le même ordre d'idée, mais après, on va changer de branche. Le miel. Oui. Est-ce que ça vous dit... Qui passe jamais date. C'est ça, c'est l'affaire, hein? Ben, c'est l'affaire. Presque pas. Okay. Ça dépend, en fait, dans quoi. Si c'est dans un pot en verre bien fermé dans un endroit sombre, parce que le lait, ouais, non. Le miel aime la noirceur, mais dans les pots en plastique, il va avoir tendance à cristalliser. Vous avez sûrement eu oui. ça. Oui, il y en a qui aiment ça, du miel cristallisé, non? Oui, il y en a qui aiment ça. Mais en fait, le miel cristallisé, il n'est pas plus bon. Hein? Vous pouvez juste le mettre dans un bain-marie. Donc, vous mettez le pot en verre, là, vous le transfériez dans un pot en verre, dans un bain-marie, donc dans de l'eau bouillante, puis il va reprendre son état liquide. Donc, dites-vous pas, mon miel est plus bon, je le jette, parce que c'est assez dispendieux quand même. Du bon miel. Miam, des toasts. On est dans les mots déjeuner quand même. Pas pire. Ensuite, médicaments et pamplemousse. Oui, c'est quoi? T'es pas supposé prendre de pamplemousse si tu prends des pilules, mettons, pour les allergies, des trucs comme ça. Oui, faites bien attention. Ben, en fait, il y a certains types de médicaments pour les reflux gastro-intestinaux, c'est super intéressant. Oui. Si vous avez eu une greffe, un rejet d'une greffe, c'est pour certains médicaments spécifiques, là, pour l'anxiété, ceux qui ont des dépressions et tout. En fait, le problème avec le pamplemousse, c'est qu'il va augmenter ou moins fréquemment diminuer l'effet du médicament. Parce qu'en fait... c'est un enzyme qui permet au médicament d'être bien assimilé dans votre système sanguin. Le pamplemousse bloque le fonctionnement de cette enzyme-là, donc le médicament est shooté directement dans votre système, donc vous pouvez faire une overdose de médicaments. C'est plus dangereux qu'on le pense, mais pourtant c'est tellement bon du pamplemousse. Hein? Ben oui! Ben, il faut s'en penser quand vous prenez des médicaments. Donc, allez voir là, sur les sites Internet, ceux qui veulent avoir plus de spécifications. Là. Il y a des listes de médicaments. À faire attention, c'est pas tous les médicaments. Vous pouvez prendre des Tylenol avec du jus de pamplemousse. Il n'y a pas de problème. Mais dans le même ordre d'idée, ben, les oranges de Séville, on n'en a pas beaucoup de ça ici, font le même effet. Et le tangelo aussi, qui est un hybride du pamplemousse, provoque aussi cet effet-là. Mais citron, lime, autre sorte d'orange, il n'y a pas de problème. Faut pas prendre du René Tangelil non plus. Hein. Faut ça. On peut pas manger non, du René. Non, faut pas faire ça. Le prochain thème, je l'aime beaucoup parce qu'il est comique. Puis en plus, c'est ma famille. Murphy, la loi de Murphy. La loi de Murphy. Oui. Donc, la loi de Murphy, hein, qui, de façon bête, tout ce qui peut mal tourner va mal tourner. Hein, c'est ça que ça veut dire. Qui a été dite, ou en fait, les gens qui ont retracé l'historique pensent que le gars qui a donné naissance à la loi de Murphy n'a même pas prononcé les mots. La loi de Murphy, c'est Edward A. Murphy Jr., qui était un ingénieur en aéronautique dans les années 1910. Donc, je t'ai regardé si c'était dans ton arbre généalogique, parce que pour ceux qui ne comprennent pas la blague, c'est que Mir, ça vient de Murphy, c'est ce qu'on comprend bien. Ben, en fait, c'est que ma famille est moitié-moitié May Murphy. OK. Donc, ah oui, ça a donné le même. Hein? Oui. Oh, donc, Murphy, Irlandais, fier Irlandais, peut-être. Ça serait génial. Ouais, je expliquerait bien des choses. Peut-être. Donc, il y a deux façons de voir la loi de Murphy. Hein? Donc, soit une façon humoristique, bon, qui est un principe de pessimisme, vu, bon, le pire est toujours certain. Plus familièrement, on va parler de la loi de l'emmerdement maximum. Wow! Ou la LEM. Et la loi de la vexation universelle. Donc, le pire peut toujours arriver. Ou vous avez aussi le principe plus scientifique, qui est qu'à chaque fois qu'on conçoit un nouveau système, ben, il faut toujours penser sécurité, qu'est-ce qui pourrait bien arriver. On fait plein de crash tests dummy, là, plein de tests pour voir le pire. Donc, quand on conçoit des systèmes. Mais moi, je suis allée quand même chercher quelques énonciations de la loi de Murphy que je trouvais comiques pour ici. Donc, vous avez les trucs de base comme à la fin, tout tourne mal. Si ça semble s'arranger, c'est que c'est pas encore la fin. C'est pas la fin. Dans les films, on voit ça beaucoup. Hein? On pense que ça va bien, puis là, paf, il arrive autre chose, puis ça repart. Ben, revirement de situation, c'est plot twist! Eh oui! Le méchant n'est pas vraiment mort. Il était juste dans le fond de l'océan. Ou c'était pas vraiment lui le méchant. Oui, c'est ça, exactement. rien n'est aussi facile qu'il n'y paraît. Toute chose prendra plus de temps que vous croyez. En amour, on dit ben toutes les bons ou toutes les bonnes sont pris. Hein, y en a beaucoup qui disent ça. En éducation, ben vous ne rattraperez jamais votre retard jusqu'à après le test. En guerre, ben ça se traduit pas vraiment en français, mais friendly fire isn't. Ouais. Ça existe pas. Le feu allié, là, si on veut. Ben, si un allié vous tire dessus puis vous dit non, mais c'est juste un tir gentil, là, non. Impossible. Le travail d'équipe est fondamental. Ça donne à l'ennemi d'autres cibles que vous. si l'ennemi est à votre portée de tir, vous êtes aussi à sa portée. Quand même. Pour les policiers, ben, les vestes anti-balles ne le sont pas. pour les infirmières, quand le docteur demande votre nom, c'est parce que le patient va mourir. Pour l'autobus, si vous êtes en retard, l'autobus va l'être aussi. En politique, hein, donc thématique avec cette semaine, peu importe qui va être élu, le gouvernement va toujours rentrer. Sauf pendant les 8 mois de l'année qui sont en vacances. Ouais. Quand même, c'est pas pire. En arts martiaux, karaté et compagnie, ben vous n'êtes pas Bruce Lee. Carrément. Dans la vie quotidienne, la file d'à côté avance toujours plus vite. Ah oui, c'est vrai. On voit ça souvent. Tu prends la file, puis maudit, là, t'hésites, puis l'autre d'à côté, ou toi, t'as un pépin, t'arrives. Faut que tu gardes ta première idée. Oui. Parce que si tu changes, là, t'es mort. T'es fait. Souvent, pour les examens, c'est la même chose. Vous nous retrouverez quelque chose qu'au dernier endroit où vous cherchez. Ben oui. C'est ça la dernière clé sur le porte-clé, qui est la clé que tu dois utiliser pour rentrer dans un local. C'est ça. Quand on plonge dans une baignoire, c'est là que le téléphone sonne. Ou quand on prend une douche. Et la meilleure des photos est celle qu'on n'a pas eu le temps de prendre. Ouais. Ça arrive souvent. Donc, je trouvais que c'est quand même le fun. Il y en a plein. Hein. Vous savez, quand il y a la vente de posters là, dans le hall, ici à l'université, il y a un poster avec tout plein de lois de Murphy comme ça, comique. Donc, quand même, c'est le côté loi de l'emmerdement maximum que je trouvais pas pire. Ensuite, les mouchoirs. C'est bien de saison, hein? Oui, quand même. On a dans le studio presque en permanence. Tout le monde a le rhume. Oui. Et où? Hey, sur mon bureau. De... Ah, ouais. Oh. Ah. Oui, c'est ça. Moi aussi, j'étais là. Et où? J'en ai dans mon sac au pire. Donc, les mouchoirs, inconnus des Grecs et des Romains qui, bon, en fait, inconnus au niveau du mouche-nez, là. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Donc, par contre, ils s'en servaient pour essuyer leur front, puis ça s'appelait un sudarium. Non, il est un petit peu dégueu. Hein. On dirait un nom que tu ferais dans le journal, genre, je vais faire un sudarium. Je vais faire un sudarium. Mais dans le solarium. Dans le solarium. Parce que dans le temps, les gens se mouchaient avec leurs doigts. Cool. Dans les airs. Là. On voit ça même encore aujourd'hui. Il y en a qui font ça. Là. À canadienne. Dans les airs. Canadienne. C'est hic. Wesh. À la Renaissance, en Occident, c'est là que le mouchoir apparaît. Avec les moralistes, donc vous avez Erasme dans La civilité puérile en 1530 qui dit « Se moucher avec son bonnet ou avec un pan de son habit est d'un paysan. Sur le bras ou sur le coude d'un marchand de salaison, il n'est pas beaucoup plus propre de se moucher dans sa main pour l'essuyer ensuite sur ses vêtements. Il est plus décent de se servir du mouchoir en se détournant s'il y a là quelques personnes honorables. » Ben oui, honorables. Honorables. Donc quand je me revire, vous n'êtes pas honorable, je pourrais le faire devant vous, moucher. Oui. Oui, ben justement, ça, c'est resté en Chine, au Japon, vous savez, où ils sont très pudiques. Se moucher en public, hein, c'est pas du tout faisable. Mm. Il faut se moucher en privé. Puis il n'y a pas vraiment de boîte de Kleenex nulle part. C'est vraiment dans les toilettes pour se cacher. Mm-hmm. Et en Europe, en France particulièrement, ben, il faut pas... les gens qui ne se mouchent pas, c'est des gens qui veulent se battre contre le système, si on veut. Des rebelles. Oui, des rebelles. Mais bon, s'il y en a quand même qui le font, mais je pense pas qu'ils le font pour se battre contre le système. Le mouchoir en papier apparaît au Japon, et justement, au 9e siècle. Mais il était utilisé dans ce temps-là, on se souvient qu'il y avait beaucoup de samouraïs. Mm-hmm. Il était utilisé pour essuyer la lame de l'épée du samouraï. C'est qu'après le Moyen-Âge que là, le mouchoir devient de plus en plus connu et répandu. Pour l'utiliser pour se moucher en tant que tel, on était plutôt incertain parce que le tissu avait une grande valeur. Hein, donc, il ne fallait pas abîmer les tissus. Puis, c'est juste qu'au milieu du 20e siècle que les gens ont continué à se moucher dans leur manteau. Donc, quand même, 1950, c'était assez fréquent. Les jeunes femmes le tenaient à la main comme geste de séduction ou pour faire au revoir au bateau. Hein. Donc, il y a des poètes qui disaient que les mouchoirs étaient comme les mouettes ou les albatros des bateaux. Et ben, c'est devenu un objet de statut social, le mouchoir en tant que tel, là, brodé avec les tissus plus ou moins fins et compagnie. C'était à la mode, t'étais chez Bouclas, mouchais ses rideaux, c'était écœurant. C'était un peur de te pogner chez Bouclas. Moi, je suis encore pogné dans l'ancien temps. <j'ai joué> Donc voilà pour les mouchoirs. Cool. Alors, on va prendre une petite pause. Alors, on va écouter, ben, fidèle à mon habitude, une chanson d'une trame sonore. Cette fois-ci, ben, Moulin Rouge. Donc, ça va quand même avec la lettre d'aujourd'hui. Et c'est une chanson de Jeff Beck que j'adore, Diamond Dogs. Assemblage requis, c'est dans le Véronique Sionnaire avec Véronique Mire. Oui, monsieur. Bon, merci de... Oui, monsieur. Je suis honorable. Je m'appelle monsieur. Oui, je me revais pour me moucher. C'est ça. Diamond Dogs de Jeff Beck à Assemblage Rookie. C'est toujours le Virelectionnaire. C'est la deuxième partie de la lettre M, toujours avec Véronique Mee. Oui, on continue avec la Marelle. Ah, notre jeu de l'enfance. Oui. Oui. Le jeu de la Marelle qui existe depuis le 5e siècle avant Jésus-Christ. Dans les dialogues de Bouddha, ça s'appelait Chikribillard. Ouais. C'était catchy, le mot joué au chic. Chikribillard. Ben, c'était pas joué par des enfants dans ce temps-là, évidemment. Puis c'était à cloche-pied, comme c'est la Marelle aujourd'hui. Une série de cases, puis il fallait atteindre la montagne et non le paradis. Ouais. Aujourd'hui, c'est le paradis. Donc, la Marelle d'aujourd'hui a beaucoup d'attaches mystiques parce que les gens ont toujours eu, en fait, de l'époque, là. Une soif de religiosité, hein? Donc dans ah, le ouais. Ben, dans le temps là, okay, dans le temps, aussi, ouais. Avant je dirais au 18e 19e là, c'était plutôt ça parce que la marelle a une forme très symbolique, hein? Donc le plan de la marelle représente le plan d'une église. Il faut atteindre le paradis sans toucher à l'enfer, donc l'enfer c'est à côté de la marelle. Puis les lignes, les contours, c'est un peu des lignes investies d'un pouvoir diabolique. Ouais. Mais ça s'est perdu avec le temps. Les enfants qui jouent à la marelle pensent oui, pas c'est à des ça, lignes. Là. Oui, ben oui, je verrai plus jamais sauter. Ça comme ça. Oui, de la même façon. Mon enfant s'est brimé. Sauter le plus loin possible, c'est plus du tout ça. Donc, quand même, la marelle, les Sénégalais, eux, jouent à plat lune. Ça s'appelle la plat lune. Les Italiens, c'est la campana. Les Anglais, c'est hopscotch. Oui, j'ai entendu ça. Ouais. Je sais pas s'ils boivent du scotch en même temps à la marelle. Faut pas qu'elle renverse. C'est ça. Puis il y a que les Brésiliens qui ont un nom similaire. Donc, eux vont jouer à la Amarelina. Amarelina. Qui ressemble. Ensuite, encore dans les jeux, les mots croisés. Oui, on les cruciverbistes. Oui, voilà, les cruciverbistes et les verbicrucistes. Ouais. C'est quoi la différence? Hein? Donc, tu dois. On a le droit. Les verbicrucistes sont ceux qui créent les mots croisés et les cruciverbistes sont ceux qui aiment aha. Les mots croisés. Voilà. On pourrait dire que les verbicrucistes ont beaucoup de verbes parce qu'ils ont beaucoup de mots et tout. Et les cruciverbistes aiment remplir des trucs. À la base, un mot croisé avait la forme d'une croix. Donc, cruciverbiste, croix. Oh, donc, wow. Ça peut peut-être être un petit truc mnémonique oui, pour ouais. Retenir les deux. C'est Arthur Wynn, un Britannique qui s'installe aux États-Unis au début du 20e siècle, qui a inventé les mots croisés. Le 21 décembre 1913, il publie la toute première grille dans le New York World qui cherchait des nouveaux jeux pour sa section divertissement. Ça s'appelait alors le Word Cross Puzzle. Mm-hmm. Puis c'était très modeste. Bon, c'était, ça avait la forme d'un losange. Au centre, il n'y avait rien. Puis c'était que des mots de 3 ou 4 lettres. Donc, c'est très facile à résoudre. Puis, ça devient... Là, son éditeur ou son rédacteur en chef ne croyait pas tellement que c'était bon là, comme jeu parce que c'était assez facile. Mais lui, il s'est dit, ben, moi, je vais persévérer. Fait qu'à chaque dimanche, il en faisait une nouvelle. Puis là, ben, petit à petit, il a introduit des cases noires. Ça a pris une forme rectangulaire, des mots plus longs. C'est devenu plus complexe. Et puis, il y a un typographe inattentif qui a écrit « crossword » plutôt que « word cross ah. ». Puis là, mot croisé est resté. Ah, alors, les erreurs. Si seulement mes erreurs à moi pouvaient provoquer des, des changements comme ça. Qui sait? Tu vas savoir dans 100 ans. Ouais, ça, c'est tard. Écris des petits mots à tes petits-enfants. Dans le futur, on va dire se planter, puis ça va être positif à cause de Mathieu Plante. Checkez-moi bien peut-être. Aller. Dans les années 20, les bibliothécaires se sont mis à se plaindre qu'il y avait des gens qui arrachaient les dictionnaires et les encyclopédies aux pauvres lecteurs tranquille pour pouvoir avoir les réponses aux mots croisés. Et puis là, ben, la fièvre s'est emparée du monde entier. C'est le New York Times et le Times de Londres qui ont été les derniers à entrer dans la vague parce qu'eux trouvaient que c'était puéril. Ben oui, évidemment. Dans un contexte universitaire. Bah, dans tu, plaisir, oui, c'est ça, donc, ça peut pas aider les gens. Donc, le mot croisé. Encore un autre jeu, le Monopoly. Oui. Oui. Monopoly, si vous allez sur le site de Monopoly, hein, toutes les informations viennent du site officiel de Monopoly. Très intéressant, il y a plein d'informations variées sur le jeu, par exemple, que plus de 275 millions de jeux ont été vendus dans le monde. Le jeu est disponible dans 43 langues dans 111 pays. La plus longue partie de Monopoly a duré 70 jours. Ah, et non 70 heures. J'avoue, quand tu mets les hôtels, petites maisons, ça devient long puis compliqué. 70 jours. C'est assez long, arc. Il me semble que ça te coûte tanné de jouer au Monopoly. Hein. Le jeu le plus cher a été créé par Sidney Mobile, un bijoutier de San Francisco. À 2 millions de dollars, c'est une planchette en or, 23 carats et des dés incrustés de diamants. Wow. Quand même. Hey, Mathieu, j'ai perdu les dés. Ah! Loi de Murphy. Oui. Voilà. Tu sais, le petit chat qu'ils ont ajouté récemment, avez-vous vu le petit chat? Ah, je l'ai pas vu! Il y a une pub là-dessus sur Internet qui circule là, sur le petit chat du Monopoly. Oh, aller voir. Oh oui, je vais aller voir. Bon. C'est bon. Le personnage enfermé derrière les barreaux s'appelle Jake the Jailbird. Oui. Oui. Ah, ben, Colin, moi, je savais pas ça. Oui. Je l'ai dit, c'est un fait. Ouais, mais c'est une affaire parmi tant d'autres. Là. OK. Oui. Puis celui qui le policier qui l'a envoyé en prison s'appelle Edgar Mallory. Ah, ça, je savais pas. Non plus. Ah, ouh! Voilà. Vous en avez pris une. Depuis 1935, plus d'un milliard de personnes ont joué au jeu. En 1970, on a créé une planche en édition braille pour les non-voyants. Cool. En 1978, dans le catalogue de Noël de Neiman Marcus, il y a eu une version en chocolat qui valait 600 $. Wow! C'est comme un calendrier de l'Avent. Chaque case de chaque rue a un chocolat derrière. Ce serait J'aimerais parfait. Ça voir ça, ouais. Tu fais jamais d'argent, t'en manges. Oui! Puis l'année prochaine, il y a une comédie de Ridley Scott qui va sortir au cinéma. Hein? Faite sur et autour du jeu. Donc, en fait, c'est un champion du monde du jeu de Monopoly qui voit sa vie bouleversée du jour au lendemain après avoir été parachuté dans le monde du jeu de société. Oh! Ben, un Jumanji du Monopoly. Il y a un film sur clous aussi avec des fins différentes dépendant de comment le meurtre est résolu. C'est cool. Mais moi, j'attends en 2015 quand ils vont sortir l'édition qui va te traiter de con à chaque move que tu fais puis qui appellerait ça genre Mono Impoli. Ça, c'est bon. J'aime ça. Mono Impoli. On va terminer avec des petits mioum-mioum, hein, comme qu'on est après l'Halloween. M&M! Oh. Donc, M au carré. Alors, les M&M, en fait, c'est Forrest Mars qui, de retour aux États-Unis en 1935, après la guerre civile espagnole, avait vu que les soldats avaient l'habitude d'enrober des morceaux de chocolat de sucre pour éviter qu'ils ne fondent. Alors, lui, il revient aux États-Unis, puis avec Bruce Murray, donc Mars et Murray, font M&M. Ensemble. On n'a pas vu venir? Non. Quand même, popé. Donc, en 1941, ben, ça fait le bonheur des soldats américains, hein, parce qu'ils peuvent manger du chocolat sans que ça fonde dans leur poche. Et ils les ont dans des tubes en carton d'abord. C'est ensuite, en 1948, que les sachets apparaissent. En 1950, avant ça, il n'y avait pas de M sur le M&M. Okay. Donc, il y a eu beaucoup de duplicata, hein, évidemment, du M&M. Des copières. Donc là, ils ont mis le M dessus en 1950. 1954, l'apparition de M&M Peanut. Miam. Qui apparaît ensuite. Ceux au chocolat noir, c'est quand? Parce qu'ils sont bons en maudit. Je les ai achetés la semaine passée, ils sont débiles. Ils viennent M&M de sortir. Noir. C'est bon. On va essayer ça. Mais savais-tu que tu pouvais faire mettre le logo de ta compagnie sur M&M? Oui. Tu parles d'un gaspillage d'argent. Quand même, hein? Bah, c'est dommage. Ouais. Les mascottes de M&M qu'on voit de plus en plus à la télé, hein, rouge et jaune. Oui. Jaune et rouge. En fait, bon, jaune qui est la cacahuète, plutôt grand et ovale, c'est le grand bonnet. Puis le rouge qui est un peu plus confiant, qui blague un peu plus. Donc, c'est un peu comme un duo typique du cinéma. C'est très bon comme ça. On les voit comme ça. Oui. Je suis allé à la boutique à New York. Ouais. Oh, M&M. Oh, le paradis. Carré, hein? C'est le paradis. Oh, oui. T'en as des toutes murs. Les C'est des gros tubes transparents. Ouais. Puis toutes les M&M sont dedans, puis tu peux faire ton propre sac. Ça sent bon. Tu sais, les grosses cages à argent dans les jeux télévisés où l'argent. Oh, il faut que tes pognes devraient faire bouche, ça avec les M&M. Ah oui. Ah oui, c'est tellement bon. C'est beau. Moi aussi, j'ai pris une photo là, devant ça, là, puis je suis comme. Trop de M&M. C'est super. Puis tous les objets qu'ils ont créés à partir de M&M. Oh, c'est incroyable. Vraiment, puis il y a la boutique Hershey à côté, puis c'est pas pareil. Je trouvais que ça sentait le vomi quand je rentrais là-dedans. On est ressorti puis on est retourné chez M&M. C'est ça, quand même. Donc, rouge et jaune, qui sont les mascottes officielles des M&M. Et puis, leur slogan, c'est M&M, le chocolat qu'ils font dans la bouche, pas dans la main. Mais c'est vrai. Oui. J'ai jamais vu ça fondre dans ma main du tout. Il faut qu'il fasse vraiment chaud l'été. Les Smarties fondent plus. Mais Smarties, on s'entend que c'est comme plus la peinture un peu. Une coche en dessous, pas mal. Pour moi, les Smarties. Moi aussi. Comparé aux M&M. Ah, les M&M. Ouais. Miam, miam. Miam, miam. En 1976, le rouge disparaît des M&M parce qu'il y a eu une controverse sur le colorant dans ces années-là. Oui, c'est fait à partir de crottes d'insectes ou je sais pas trop quoi, cette affaire-là. Le colorant rouge dans la vie, en général. J'avais lu quelque chose là-dessus, je vous en reparle. Il faut attendre 1987 pour que rouge revienne. OK, quand même, il est revenu. Hein? Oui. En 1981, les M&M font le tour du monde à bord d'une navette spatiale. Ça, c'est vraiment typiquement américain. Ils envoient plein d'objets dans le ciel. Ouh, les M&M ont fait le tour dans l'espace. C'est génial. Dans les mêmes années, ben, y a les séries Vacances qui sortent. C'est là que toutes les M&M de plein de couleurs ont commencé à faire leur apparition. Ça y est, tremblement de terre. Ben oui, je fais le saut. Bang, bang, bang. La série Vacances, donc M&M rouge et vert, couleur pastel pour Pâques. Puis là, ben, il y a eu toutes les autres couleurs, comme les couleurs taxi, les couleurs... quand vous allez au M&M Store à New York, c'est ça qui est vraiment drôle de voir c'est quoi les couleurs qu'ils ont faites. Mais faites attention, hein, quand vous faites un sac d'M&M, là, ça coûte la peau des fesses. Ah oui, ça coûte vraiment. Mais ça vaut le coup. Oh ouais. Chez le magasin en vrac, là, qu'on connaît tous. Hein. Vous savez, le magasin est trop, beaucoup trop jaune. Oui. Mm-hmm. Ils ont des M&M en vrac. Fait que, let's go! Chic. Let's go! Je sais ce que je fais à midi. Ouais, c'est En 1995, les gens sont tannés rouge, jaune, orange, vert. Alors, ils font un référendum, en fait, pour organiser le vote de nouvelles couleurs de M&M. Ça prend pas grand-chose pour exciter les gens. Hein? Oh. Et puis là, quelle couleur leur apporter? Rose? Non. Vert. Non, vert existait déjà. Brun. Bleu! Vous étiez pas loin. Il y a manqué un. C'est le M&M bleu. On pensait qu'il y avait des bleus depuis le début. Nous autres, regardons. Oui, ben non, ça qui était on n'avait pas. Début. Non, le bleu a été seulement introduit en 1995. Oui. Puis, en 1997, le M&M vert prend une tournure féminine et devient Miss Vert. Hein? Donc, vous vous souvenez, dans les pubs, là, il y a le rouge et le jaune. Puis, il y a la Miss Vert. Puis, il y a aussi la Miss Brune. Elle qui est comme pas de coquille, là. Oh, oui. Donc, vous avez ça. Miss Vert, elle, qui déclare ne fondre pour personne. Oh. C'est quand même assez comique. En 2004, on sort une série spéciale aux couleurs du drapeau de la communauté gay. Et puis ça, c'est pas produit toujours. C'est très rare. Les collectionneurs les recherchent. Mais je sais pas combien de temps ça peut bien se conserver, les M&M. J'ai aucune idée. En tout cas. Puis, ben, comme tu parlais tantôt, les logos de compagnie, ça, c'est à partir de 2006 où là, on a créé les M&M personnalisables avec la couleur et on peut même faire écrire qu'est-ce qu'on veut dessus. Mais c'est tellement petit que quand même... C'est ça. Comme outil promotionnel, pas tout à fait la meilleure affaire. Quand même. Mais quand je suis allé là, à New York, il y a une dame qui faisait ça, mais pour... je pense que c'était son shower. Ou en tout cas, elle disait que c'était un garçon. Comme avoir un garçon, fait que ça, tu reçois ben un petit paquet de, un petit paquet pour dire que tu vas recevoir un petit paquet par la cigogne. Qui va avoir un petit paquet. Oui. Ça va avec. Oui. Puis tout récemment, ben récemment en fait, en 2008, le site promotionnel M&M Streets. M&M's Street, pardon, la rue où tout part en cacahuètes. Est lancé. Donc, il y a des parodies de films, des vidéos, des pubs. Il y a aussi beaucoup de trucs que vous pouvez acheter d'M&M, là, évidemment, sur ce site-là. Et pour terminer, saviez-vous que les M&M Peanut, le M&M Orange, a vraiment une saveur plus particulière que les autres? Ah. Je n'ai pas fait le test. Ça m'intrigue énormément. Vous n'avez pas bol d'M&M. Non! Il va vraiment falloir que j'essaye ça. Essayez ça cette semaine. On s'en donne des nouvelles. On les garde pour la fin. Oui, les oranges, c'est ensemble. Orange. C'est une bouchée d'orange. Merci, Véronique. Ça fait plaisir. Et moi, c'est Mathieu. Fait que c'est M&M, you know. M&M. Non. Tout Jean-Philippe Charbonneau. Ça, il cherche oui, je suis comme qu'est-ce que je pourrais dire. Ouais, t'es monsieur le directeur général. Donc, voilà. À la semaine prochaine, c'est mercredi à 8h. Oui. Pour une autre édition du Véronique Dictionnaire avec la lettre L comme loser. Comme dans Luigi. Oui, locasse. Local. Loyauté. Oui. Looney Tunes. Looney Tunes. Oui. Lollipop. Oui. Oui. Ouais. Il manque moins. T'es à off pas mal, toi. Oui, je sais pas. Le L m'inspire pas. Le L, il est lettre. LOL. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Plongeons dans le dîner de cons, un certain midi cette semaine. Oh yeah. Ah ouais. Ce que vous entendez, eh bien, c'est la formation Maz. Eh bien oui, ils croyaient qu'ils n'étaient pas en onde. Non, on savait, on savait. Et ce que vous venez juste d'entendre, eh bien, c'était la pièce Blé d'Inde. Oui. C'est exactement ça, tiré de leur album Chasse-Galerie. Et puis, ils sont en studio aujourd'hui pour venir présenter leur projet. À qui je m'adresse? Parce que là, il y a quatre jeunes hommes avec moi. Ben, présentez-vous. Mathieu Royer, contrebasse. Marc Maziad, guitare, banjo, pied. On voit que d'où vient le nom du Ben. Toi? Pierre-Olivier Dufresne, violon, mandoline et pied. Excellent. Et toi, t'es clavieriste. Ouais, c'est Gabriel Godbout. Salut Gabriel. Yes. Maz, c'est quoi? Ben, c'est un jazz traditionnel, à peu près. Il y a plusieurs façons de voir ça. Écoute, c'est une soupe minestrone, c'est un pot pourri, c'est un pâté chinois, un nouveau genre de mélange de trad, de jazz, de rock, de... À peu près toutes les influences qu'on peut avoir eues, chacun des musiciens, on a chacun un bagage différent. On le met en commun, c'est ça, Maz, dans le fond. C'est un laboratoire dans lequel on s'est rencontrés, on mijote ensemble ce qu'on est musicalement, puis à la fin, on regarde ça, puis on dit « Yeah! On a le goût de le jouer! » Excellent! Vous avez eu quand même un certain succès avec Télescope, qui était votre premier album. Ça a été nominé, entre autres, comme album folk, c'est ça? Groupe de l'année, album folk au Juno. Oui. Entre autres aussi, meilleur album 2011 instrumental. Ça, c'est une nomination aussi. Oui. Et puis, ça, c'est excellent. Meilleur album 2011. Canadian Folk Music Awards. Oui, c'est ça, c'était le Canadian Folk. Je savais que c'était pas le Juno. On a eu trois nominations là. C'est l'album le plus nominé sans avoir gagné, mais c'est nominé. On est content, on est nominé. Ben non, mais il y a tellement de musique qui se produit que juste d'être nominé, c'est quand même assez intéressant. Oui, puis surtout pour un groupe qui est entre des créneaux. Hein. Maz, c'est comme un pont aussi. Ça se retrouve à être dans la craque. Fait que à chaque catégorie, s'il y a des... On va plaire aux gens qui sont plus dans l'ouverture, on va déplaire à ceux qui sont un peu plus les gardiens de la pureté du style. Fait que c'est normal, ça fait partie du jeu, ça va faire partie peut-être du lot pour Maz, mais on est content d'avoir autant de nominations. Puis il y a un autre truc que t'as oublié, vous faites de la musique instrumentale. Ouais. Dans le sens que c'est pas nécessairement évident de se retrouver dans des catégories parce que le monde veut des chansons. Des chansons. Des chansons. Ils veulent toutes des chansons. C'était comment je pourrais dire? C'est beau, la chanson. Ben oui, c'est beau, la chanson. On aime ça, la chanson. On aime plein de chansons, mais il n'y a pas que ça. Il y a la musique, ce qui est assez importante. Justement, c'est-tu été un choix? Comment vous avez décidé ça? C'est-tu la ligne directrice pour Maz? Pour le... Tu sais, à un moment donné, il va y avoir une chanteuse, un chanteur qui va arriver, ou vous autres qui allez vous commettre? C'est-tu une ligne directrice? C'est-tu un choix? C'est ce que je pose, dans le fond, comme question. Bien, on est ouvert à tous les projets dans le futur, mais pour l'instant, nous autres, ce qui nous intéressait, c'est de mettre les instruments de musique comme étant la voix, si tu veux. C'est les instruments de musique qui avec leurs phrases musicales, qui vont... chanter. Développer le langage, oui, c'est ça, finalement, parce que c'est... Quand vous allez écouter ça, cet album-là, vous allez vous rendre compte que c'est vraiment riche, puis que finalement, quand tu l'écoutes, ça passe assez vite, puis que tu te dis, finalement, j'en aurais pas pris nécessairement des paroles, parce que c'est un voyage qui est personnel. Finalement, les gens vont s'approprier la chasse-galerie à leur image. La chasse-galerie, c'est des légendes qui font partie de notre patrimoine. Donc, c'est plein d'images, puis les gens... Ce compte-là de la chasse-galerie a été revisité de plein de façons différentes. Nous, ce qu'on a voulu le faire, c'est le réactualiser, plus musical, puis les gens vont se faire une libre interprétation. Ça fait partie des forces de ce genre-là, tu sais, parce que la chanson, on va créer un univers qui est, oui, imagé, plus poétique, mais c'est un univers qui est quand même un peu plus défini, je dirais. Tandis que là, justement, avec la musique instrumentale, c'est un voyage, comme Pierre-Olivier disait, qui est personnel. Comme on va aller regarder une toile abstraite ou on va aller regarder une œuvre de peinture ou on va lire un poème qui est peut-être un peu plus abstrait, justement, ben les gens peuvent se l'approprier comme ils veulent. Nous, on l'a vécu chacun différemment aussi, tu sais. Le résultat, c'est le fun parce qu'il nous surprend encore parce qu'on l'écoute. Puis, c'est la combinaison de tout ce qu'on fait ensemble, puis on le redécouvre Là, on parlait de La Chasse-Galerie, pour ceux qui se demandent quoi. La Chasse-Galerie, c'est le nom de votre prochain album qui sort le 19? Le 19, en magasin. OK. Et puis, justement, à part La Chasse-Galerie, c'est quoi les thèmes qu'on a sur ce dernier album? Moi, j'ai essayé les titres, j'ai connu un petit peu, j'ai regardé votre dossier de presse, mais si on veut le partager aux auditeurs, là, c'est quoi les thèmes de cet album-là? Pourquoi La Chasse-Galerie aussi? Ben, La Chasse-Galerie, si on veut, c'est le thème général qui regroupe toute inspiration différente des compositeurs, parce qu'on est les quatre à avoir composé pour cet album-là. Mais La Chasse-Galerie, c'est la recherche d'équilibre, finalement, d'une canotée, d'un envolée, d'une équipe de gars, un périple, effectivement. Les gars vont être à la recherche d'équilibre entre les vices qui s'obtiennent quand on a du plaisir. Mais, le party. Ouais, c'est ça. Mais aussi la prise de responsabilité, parce que, bon... Faut-tu te rendre sans sacrer le camp du canot, là? Faut-tu te rendre à bon port? Ici, juste le bar à côté, je sais pas si vous savez, il s'appelle La Chasse-Galerie. Oui, effectivement. Je sais pas si vous le saviez, là. On nous l'a dit, on était assez contents de... Oui, ça fit. On est à moins de 4 pieds de La Chasse-Galerie. Ici. On va aller les voir, c'est sûr. Ouais. Justement, côté lancement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a comme activité dans le sens où est-ce que vous allez lancer votre album? Écoute, toute la tournée de promotion qu'on a réussi à bâtir avec l'équipe, parce que là, on est chanceux, on est content, on le dit un peu, mais on est content d'être bien entouré pour cette deuxième vague-là avec Télescope. Tout se faisait tout seul. Puis là, avec... Mais c'est lui qui a défriché, dans le fond, le chemin. Il a défriché, hein? Oui, il a défriché, mais défriché à un. Okay. Ça défriche moins vite que défriché à 4 puis 6 têtes. Mm-hmm. Fait qu'on est vraiment content d'avoir des bons partenaires. Puis là, ce qu'on a réussi à bâtir comme tournée pour cette deuxième vague-là, c'est... on est allé à Toronto, on a fait une vitrine là, on a fait un spectacle, on est allé à Québec, à Châteauguay. Là, on s'en va à Moncton présenter le projet de spectacle à la Francofête. On va arrêter à Carleton où on va faire un pré-lancement là-bas. C'est des gens qui nous ont supportés depuis le début. Fait que pour nous, c'est tout naturel d'aller les voir puis de faire un pré-lancement là-bas avant tout le monde. Je n'ai-tu oublié? Il y a le lancement officiel le 28 novembre à l'Astral. Ça, c'est à Montréal. À Montréal, okay. Effectivement. Justement, vous êtes des gars de où? D'où que ça commence, finalement, Maz? D'où ça vient où? Parce que là, il faut savoir l'historique de ça. Là. Ben, faire une histoire courte, là, moi, elle va partir de loin, par exemple. Elle court, mais elle va partir de loin. Pas de trouble. Moi, mon grand-père a immigré à Chicoutimi en 1927. Okay. Il a immigré de Syrie. Okay. Fait que je me retrouve à être un immigrant de troisième génération. Fait que, tu sais, quand on parle d'immigration, c'est un sujet qui est à mode. Mm-hmm, là. Tout à fait. Mettons que je suis rendu intégré. Après trois générations... Puis au Lac-Saint-Jean, en plus. Voilà, exactement. Ils n'ont pas choisi l'endroit le plus... je pense qu'ils étaient les seuls, là. Ça détonnait. Bref, pour moi, c'était un questionnement identitaire qui était à la base de mon développement musical aussi. Mm-hmm. Fait que j'ai touché à plusieurs styles différents. Puis je me suis vraiment... je me suis vraiment commis dans l'idée d'explorer puis d'approfondir la culture québécoise avec des groupes comme Réveillon, avec Richard Forêt, avec plein de gens de la scène trad québécoise. J'ai appris à comprendre ce style-là pour finalement le mélanger avec toutes les autres influences que j'ai eues dans le cadre d'un mémoire de maîtrise. Ce qui a donné justement Télescope, c'est ça qui a établi un peu la direction du projet. Puis les rencontres qu'on fait pendant ce que j'ai fait pendant ce fabuleux voyage-là, ça a donné aussi justement cette équipe-là. Maz, là, c'est un groupe, c'est une équipe. Puis là, Chasse-Galerie, ça rouvre justement sur comment chacun va le vivre, comment chacun va vivre cette actualisation-là de la tradition puis de ce qu'ils sont en ce moment. Malgré le trou béant qui a été laissé peut-être dans la tradition là, ouais, entre les années 80 puis 95, là, où c'était un peu plus creux, là, que la tradition était peut-être moins... Parce que là, c'est fort quand même. Là. Le folk, le trad, c'est très fort en ce moment. Tout à fait, puis avec raison. C'est une fierté, hein? C'est une question de ça. Des fois, on se demande comment ça qu'on a de la difficulté à avancer. Moi, j'ai souvent la réflexion de me dire ça avance mieux quand on sait d'où on vient. Puis quand on est capable de l'assumer comme il faut, pas question de penser qu'on est meilleur que les autres, mais c'est une question d'être capable de regarder en arrière, de savoir qui on est, de se définir correctement, de se définir en toute connaissance de cause, puis après ça, d'être capable d'ouvrir les bras puis de dire bienvenue aux gens alentours, tu sais. C'est bien dit, ça. Et puis, si on veut connaître Maz, si on veut plus d'infos, y a-tu des sites internet? Moi, je le sais, espacemaz, je pense, .ca. Oui, effectivement. Puis, on a d'ailleurs un site internet tout neuf, tout frais, qui est éminent. Je pense que c'est aujourd'hui. Synchronicité. que ça se lance, alors allez voir ça. Toujours sur... Mais c'est-tu le site qui est en ligne en ce moment? Parce que oui. J'étais là-dessus là, oui, ce matin même hier. Depuis, c'est ça. OK. Hier, il a changé. En tout cas, il devait okay, pas avoir la même... pas même affaire. Il n'y avait pas la même couleur. Mais il y a quelque chose de nouveau aussi aujourd'hui. Vidéo? Oui. C'est ça, j'ai lu, ouais. On a eu du fun à faire ça avec... Parlez-moi-en justement, vidéo. Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y. Ben c'est ça, dans le fond, on a décidé de faire une vidéo promotionnelle pour la lancer du prochain album. Donc, on a travaillé avec Nicolas ça, de Libou, c'est oui. Ça, vraiment, il nous a fait une super job. Il est venu chez nous. Hein. Il est venu chez nous, il a filmé en train de... Fait voir PO en train de faire du basic. Gab en train de ouais, exactement. Mais vous êtes basé où en ce moment? À Montréal? Oui. OK, parce que là, je me demandais, des fois, les Ben Trad, nous autres, il y en a beaucoup en région ici. Ouais. Il y en a beaucoup dans le coin de la Naudière aussi. Je voulais savoir, justement, c'est un choix aussi ouais. De rester à Montréal? Vous êtes Montréalais? Alors, on vient tous de coins différents. OK, là, c'est, ce que c'est là que vous êtes rencontrés, finalement. C'est ça. La vie nous a tout amené là parce qu'on voulait vraiment faire de la musique professionnellement. Donc, à Montréal, c'est... Ça s'y prête plus. Moi, je viens de Shawinigan. On s'est rencontrés à Drummondville. Ouais, moi, à la base, je viens de Shawinigan. Puis je suis allé étudier à Drummondville au cégep en musique où j'ai rencontré Matt, justement. Puis ouais. Benoît Coulombe, l'autre contrebassiste qui joue dans le band. Fait que c'est ça, je me suis un peu exilé de la Mauricie depuis presque 10 ans maintenant. Pour y revenir de temps en temps avec des bands, là, justement. Là, je suis passé aux Zénobes une couple de fois. Okay. J'ai pas encore joué à Shawi, mais ça s'en vient. Là on essaie de. Ah ouais, on pousse on fort. Essaie d'aller à Francis Brisson. Là, peut-être bien, on aimerait bien ça là, qu'il nous prenne. Mais est-ce que ça sinon, va, même un petit show au Trou du Diable, ça serait le fun. Diable, ça fitterait, ouais. vous seriez bien, je pense. Ouais, on y pense. Ça, c'est des idées qui sont dans l'air. Ben, justement, parlant d'idées, qu'est-ce qui s'en vient à part. Là, il y a le lancement, bien sûr, mais tourner, qu'est-ce qui s'en vient pour les prochains projets ou c'est quoi votre prochain cheval de bataille? Là, on vise la scène, on va viser deux choses en même temps. Avec Télescope, on a réussi à se tailler une place dans le réseau folk, surtout anglophone. C'est plus dur au Québec, hein? Je pense que c'est pas la première fois que tu entends ça, j'imagine. C'est clair, dès que tu fais de la musique instrumentale au Québec, c'est difficile. Les gens veulent du français. Moi, ben j'aime oui. Le français, c'est parfait, je suis pour ça, là, mais c'est vraiment, on dirait que c'est une barrière. Les gens, il faut qu'il y ait des chansons, comme je disais tantôt. Moi, comme je vous ai dit, c'est pas pour parler de moi, mais je fais de la musique électronique, donc je me retrouve encore dans un genre d'hybride de crack, tu me disais, une crack de divan, là, où t'es dans un monde, t'es trop fucké pour certains, pas assez pour d'autres, tu sais, trop underground. Ça vous retrouvez un peu dans des fois un truc du genre. C'est ça le défi. C'est ça le défi. La chanson, moi, je le comprends très bien pourquoi que c'est ça qui est mis de l'avant, puis c'est nécessaire. C'est correct, oui. La question, c'est comment est-ce qu'on peut réussir à amener notre diversité ou tirer notre épingle du jeu là-dedans. Il y en a des gens qui vont travailler pour réussir à faire diffuser ce type de musique-là. La proposition artistique qu'on fait, il y en a des gens qui sont intéressés. Puis là, on est chanceux parce qu'on sent qu'il y a un bon vent d'optimisme, il y a un bon vent d'enthousiasme pour le projet. Les astres sont alignés. Ben les astres sont alignés du mieux qu'ils peuvent. En tout cas, on travaille fort pour les aligner du mieux qu'on peut. Puis là, on se retrouve à avoir justement des perspectives au Québec aussi. Puis ça, c'est peut-être ce qui nous tiendrait le plus à cœur. Ce serait de réussir à partager cette musique-là avec le monde d'ici. Parce que, veut pas, c'est des réflexions et des sons, des sonorités qui nous sont inspirées par le Québec. Ça va nous faire plaisir. C'est sûr qu'on va triper d'aller le partager à l'international dès qu'on aura l'occasion. C'est ce que je m'en allais dire. Mais... Beaucoup de bands trad vont se promener en Europe. C'est des projets sûrement pour vous autres. Vous n'êtes pas encore allé avec Maz? On est allé aux États-Unis. Okay. Y a un congrès qui s'appelle le Folk Alliance International, qui est le genre de foire de la musique folk. Okay. En Amérique du Nord. Ça, on l'a fait, on est allé à Memphis, on est allé à New York aussi. Puis là, ben, ça regarde. On va voir comment ça s'enligne. On ne veut pas se prononcer trop tôt, mais c'est sûr qu'il y a du travail qui est fait pour qu'on s'en aille en Europe, puis il y a du travail qui est fait pour qu'on tourne au Québec. Puis là, comme tu dis, il y a du monde avec vous autres un peu pour vous aider. C'est ça qui est le fun, parce que oui, quand tu fais tout seul, à un moment donné, tu ne peux plus te concentrer sur la musique. Là, c'est plus... un jeu d'équilibre aussi. Ouais, vraiment. Ouais, ouais, c'est un peu, tu parlais de thématique tantôt, ouais. Puis tu sais, Pierre-Olivier en a nommé quelques-unes, mais ça, c'en est une. Le jeu d'équilibre entre la création, le côté business de la chose, il faut balancer ça. Mm-hmm. C'est pas toujours facile. Des fois, c'est même pas possible quand il y a trop de jobs. Mais il y a aussi... Puis tu perds ton goût de créer, parce que là, tu penses au côté plus marchandise, dans le sens, le côté, pas marchandise, mais mise en marché, pas de vente, mais tu sais... Peut-être pour certaines personnes, pour moi, c'est pas le cas. Là. Okay. Moi, le goût de créer, je l'ai, je peux dire que non, si non, je mais pouvais, c'est pas ça, c'est que des fois, ça vient... Perdrais pas. C'est pas que tu le perds, mais c'est qu'à un moment donné, t'as pas l'énergie, là, je sais pas. Ouais. C'est plus là, c'est pas le goût, mais c'est... C'est un défi de prioriser, de structurer, d'organiser, de déléguer. Fait que, tu sais, c'est... Mais de faire confiance. Mais je pense aussi que comme nous, on a la volonté d'être vraiment professionnel puis assidu sur le travail qu'on fait au niveau créatif, au niveau de comment on va présenter un beau spectacle que les gens vont apprécier, je pense que ça l'intéresse à ce moment-là, les gens qui font plus la partie business. Oh ouais. Parce qu'on a toute une équipe de gérance, la production Serge Paris avec Claudine. Et puis, Kim, puis on a Daniel Lefebvre qui est dans le coin d'ailleurs, c'est ça, l'agence Daniel Lefebvre aussi, qui nous aide pour le booking, c'est un nouveau partenariat. Fait que je pense qu'eux autres, ça les motive aussi. T'sais, c'est un effet d'entraînement finalement. Quand une équipe de gérance approche un groupe de musique qui semble plus ou moins motivé, puis ils attendent toujours que le téléphone sonne, puis sans mettre de l'eau au moulin, je pense pas que ça soit intéressant pour une équipe de gérance de travailler avec eux. Ce qui n'est pas notre cas. Je pense que tout le monde veut que ça marche. Puis, tu vois, on fait du travail de mise en scène. On pousse le spectacle. On est en bon esprit d'équipe. Fait que je pense que ça en est pour beaucoup. C'est attirant, finalement, de travailler avec du monde qui sont motivés. Tu sais. Ah, ça, c'est clair. Mais justement, tu parles du spectacle mise en scène. C'est quoi un spectacle de Maz? Ben, tu vois, comme c'est instrumental, nous autres, on a besoin de travailler... Pour la mise en scène, on a besoin de travailler les interactions entre musiciens pour que, bon, tu vois, il y a de l'improvisation comme il y a le côté jazz. Fait que ça en amène beaucoup. Il y a aussi les interactions avec le public qui ne veut pas parce qu'il faut que visuellement, il se passe quelque chose. Ben, les gens aiment ça être interpellés quand même, ouais. Là, ça c'est clair. Mais tu dis improvisation, vos pièces sur l'album, moi j'aime les pièces bien longues et le jam. Vos pièces sur l'album, c'est plus des 3 à 5 minutes. Est-ce qu'en show, ça décolle puis des fois, il y a des jams qui peuvent toffer 10, 15... Des blocs, il y a des blocs de 12 minutes déjà. Il y a des blocs de 10 minutes, de 12 minutes. Donc il y a du jam, là. Qui se crée avec Maz. Des fois, on se permet de justement sortir là, de la forme. Puis, vous prenez le thème de la toune puis vous laissez aller. Oui, il y a le côté. Ça, c'est le côté jazz qui revient. Là. On est tous des jazzmen un peu dans nous autres. Puis des fois, ça ressort en show. Là. C'est bien le fun de ce côté-là. Ouais. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Écoute, je pense qu'on t'a dit pas mal. On a parlé d'où est-ce qu'on s'en allait. Là, on s'en va à Moncton. Ouais, s'en va à Moncton. Prochain truc aussi. Là, c'est l'album qui sort, là, le 19 novembre. Oui, c'est ça. Fait que tout est là-dedans. Toutes les autres. Je pense que vous êtes dans une entrevue à soir à MaTV. C'est ce qui était Vox, le réseau Vox, finalement. Exact. On va à MaTV, puis on en a un autre aussi. En tout cas, on a un bon stop ici pour essayer de faire le plus de promotion possible. Fait qu'on est bien content de... Un petit rappel pour le lancement à l'Astral le 28 pour ceux qui nous écoutent qui vont peut-être être à Montréal dans ce coin-là. Donc l'Astral, quartier des spectacles. Une belle salle. Oui. On veut remplir. Donc, Oui. Vous nous enverrez l'album aussi. Oui, tout à fait. Là, je l'ai... En tout cas, entre les lignes, j'ai pensé, je vais t'en laisser un avant de partir. Excellent. Avec quoi qu'on se quitte, justement, on pourrait écouter une dernière pièce, n'importe quelle de l'album, c'est vous qui décidez. Donc, on peut se laisser avec la track 3, notre single qu'on a lancé la semaine dernière. C'est ce que je pensais, mais je voulais vous laisser décider. Parce que des fois, les artistes, justement, ils veulent aller faire entendre autre que le single. Parce que, mais bon. On va l'écouter, le single. On va être content. Ça fait pas assez longtemps qu'il est sorti. Excellent. Donc, merci, Maz. Merci beaucoup. Merci, Danny. Hein. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. On parlait d'ailes piquantes en rond. C'est l'enfer. Ah, OK, c'est ça. Chansevrage. C'est un chansevrage. Tu m'as parlé d'un saut genre d'ailes piquantes à 25$. Ouais, à une place pas loin de l'université. Ouais, qu'on aime bien. Ouais. Ils sont proches de nous autres quand même. Oui, ils sont pas loin du vaisseau aussi. Ouais. C'est clair quand même. C'est... Ouais. Bref, 25$ pour un saut. François Landry me mettait au défi d'en manger un. Ouais, défi lancé, Mathieu. Je pense que j'aurais pas le choix. Tu fais un vine. Vine. Ah, ça me prend plus que 6 secondes. Je pense que non, mais tu fais juste le film au début, puis à la fin. Ah, oink. Ah, c'est fait. Avec Mathieu qui dort à côté. Parce qu'il a trop mangé. Ah, mon rêve. Je peux mourir comme ça un jour. Oh. Maintenant, tiens. Des gens qu'on voudrait qu'ils meurent, des fois, c'est des politiciens. Mais ça, c'est pas gentil de dire ça. Non, pas du tout. On voudrait leur lancer les ailes de poulet. Ça, oui. Ça peut être le fun. Ouais, c'est Lucas 601. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Bonjour. Royal. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Bonjour François Landry. Bonjour Mathieu Blanc. Hey, hey, hey. Monsieur Charbonneau. Moi-même. Mes hommages. Wow, hein. Aujourd'hui, c'était tellement poli que je suis un protocolaire. Oui, vraiment. C'est la toune. Enchanté. Donc, gueule de bois, post-électoral, c'est le sujet de la semaine et c'est le sujet de tout le monde depuis que les élections ont eu lieu. Oui, ben, première question, avez-vous gagné vos élections? Ben non. Je sais même pas, moi. J'ai voté chez mes parents, puis juste pour dire que j'ai voté. Je sais tellement. Ah, t'as voté pour n'importe qui, genre, tu voyais que t'étais à une journal. Ben, j'ai voté pour celle que j'ai votée il y a 4 ans. OK. T'as pas encore changé ça, mais pourquoi t'habites ici à temps plein? Ben, OK, longue histoire. Parenthèse. Parenthèse, puisque j'ai fini mon bac l'année passée, donc en avril. Oui, c'est ça. Puis j'ai déménagé une fois par année, comme tous les étudiants font, je pense, à Trois-Rivières. Tu cherches un peu. Ouais, c'est ça, j'ai passé de résidence à appart, en tout cas. Puis c'était plus facile de garder mon courrier à une place stable que faire un millier de changements d'adresse. Fait que j'ai toujours gardé l'adresse chez mes parents, puis là, ben, j'ai déménagé, puis j'ai fait comme « Wow! Oh, changement d'adresse, c'est pas fait! » Là, il est fait, là. Je l'ai fait comme une journée en retard pour pouvoir me voter à Trois-Rivières. La prochaine fois. Eh oui. Good. Mais j'ai voté quand même. Félicitations. Mais c'est déjà bien. T'as fait ton devoir de citoyen, comme on dit, mais en même temps, ton devoir de citoyen, c'est de payer tes taxes, je trouve. C'est tout ça. C'est ça, mais c'est pas la moindre des choses, mais ça prend pas grand chose. C'est une parmi d'autres. Je sais pas y aller à la même heure que tout le monde y va. Je veux dire, on est allé genre en plein milieu de la journée. Une heure, moi, y aller. Pour voter, vrai? Oui. Ça, il y avait une file d'attente de tête grise. Ah, 10 minutes, nous autres. La moyenne d'âge, je l'ai fait baisser à peu près à 60 ans. Wow. Quand même. Oui, c'était bien. Mais tout ça pour dire que oui, la gueule de bois post-électorale, parce qu'on a pu voir, constater avant les élections, une effervescence dans la population pour dire le vote va sortir, les jeunes vont se mobiliser, on va sortir cette gang de corrompus. Ils disent ça à chaque année. Ouais, à chaque 4 ans. Chaque fois, à chaque 4 ans, en fait. Ouais. Et puis là, le soir même, j'ai dit à ma conjointe, j'irai pas sur Facebook ni Twitter, juste pour pas être déçu ou m'enrager. Parce que le meilleur moyen de se mettre les pieds dans les plats, c'est d'écrire à vif sur les réseaux sociaux. Ouais. Là, faut que tu te dépêches à faire ça, le supprimer après. Puis, des fois, c'est trop tard. Quelqu'un a fait un print screen, n'importe quoi. Ou des trucs de même, où ils te répondent, puis fuck, je suis foutu. Ouais. Que je dis, j'irai pas là. Donc, le lendemain, quand j'ai ouvert mon Facebook, Twitter, j'ai vu les mines basses. Comme s'il y avait eu une orgie le soir. Ben, plaisante, là. Mais tout le monde avec la gueule de bois, mais là, c'était pas plaisant. C'était tout le monde qui était en maudit, tout le monde était en furie. Tout le monde disait, qu'est-ce que c'est ça, bâtard? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Pourtant, sur nos réseaux sociaux, tout le monde disait que tel candidat va passer. Ben, des petites nouvelles pour vous autres. Les réseaux sociaux, c'est un monde virtuel. Ouais, hein? Oui. Hein? C'est un monde virtuel que les personnes un peu plus âgées aussi ne vont pas. T'es ami avec ta clique, avec les gens que tu connais. Mm-hmm. Donc, on a vu plusieurs qui râlaient sur les réseaux sociaux, de même que plusieurs qui étaient déprimés. Il y a eu des surpris aussi qui ont dit que, il a passé, lui, finalement, ou elle. Il y a eu des fâchés. Bien entendu, des fâchés sur Facebook, Twitter, c'est juste ça. Ouais. C'est la raison que j'y vois plus. C'est très rare que du monde qui sont contents ou qui te donne une petite bine sur l'épaule pour dire « good job, mon grand ». C'est rare. Habituellement, ces personnes-là sont soit désaxées ou ils ont un service à te demander. Hein, donc, étonnant, non, pas du tout, car nos réseaux sociaux faussent tout simplement notre représentation du réel. Mm-hmm. Nous en sommes quittes pour une gueule de bois virtuelle quand les faits contredisent notre consensus numérique. Donc, mais il fallait voir les commentaires étonnés sur les murs de Facebook à la sortie des résultats électoraux. Ben voyons, ça se peut pas que c'est ça. Ben c'est pas vrai. Etc. Ben, oui. Hein? Grosse surprise. Donc, on tombait des nues dans les communautés virtuelles avec mal de blocs et nausées en prime. Donc, un 2-1. L'échantillon statistique de nos amis et suiveux et suivis sur les réseaux sociaux est en effet lourdement biaisé. Pour une simple et bonne raison, ils nous ressemblent. On suit ceux qu'on veut suivre. Et voilà, c'est normal. Nous choisissons qui nous sommes. Oui. Donc, on choisit ceux, comme tu l'as si bien dit, ceux qui nous ressemblent. Donc, c'est une grosse famille. Oui. Et puis ceux qu'on n'aime pas, on les bloque ou on les supprime ou on les accepte pas. C'est ça, on le fait pas assez, bloquer les gens sur Facebook. Ça nuit à notre morale, des fois, les commentaires des gens sur Facebook. Oui, on fait du ménage souvent. Donc, on s'enfonce donc en plein sondage anti-probabiliste et plutôt complaisant. Oui. Nos relations sociales réelles, par contre, nous ressemblent tout autant, mais dans le monde virtuel, vu le nombre et la vitesse des échanges, l'effet miroir est décuplé. Nous baignons alors dans un flot d'opinions forgées d'affinités sélectives. Donc, si moi, j'ai une pensée, exemple, à gauche, c'est certain que la quasi-totalité de mes amis Facebook vont penser un peu comme moi à gauche. À moins que j'ai des amis qui n'ont aucun intérêt politique, mais qui ont d'autres affinités sportives, mais eux autres, ils n'iront pas commenter les résultats électoraux. Ils vont commenter la game du hockey. Ils vont dire « Hey, t'es bien cave, mets ça à long pas, c'est les élections. » Ouais, ou c'est Céline au banquier, tu sais. Céline, t'es au banquier? Le même soir. J'ai manqué Céline. Hein? C'est qui ça, Céline? Céline Galipeau. Oh, OK. Elle a lu le bulletin de nouvelles de TVA. De faire changement. On a échangé nos postes. Oui. On a échangé nos stations. Donc, il y a aussi des opinions contraires, mais qui demeurent minoritaires, parce qu'il y en a toujours qui sont des trolls sur les réseaux sociaux qui font juste foutre le bordel. Hein? Tout ça conduit à des bulles d'opinions dont le niveau de cohérence nous éloigne dans une mesure identique de la réalité. Le vrai problème du consensus virtuel, c'est qu'une élection, ça se produit surtout dans le réel. Donc, dans le monde, dans le vrai monde, dans le monde palpable, extérieur, au moins de ceux qui votent, pas très nombreux, il faut dire quand même. On finit par se faire croire que la réalité ressemble à celle de nos réseaux, alors qu'on voit les premiers résultats rentrer, c'est ardu. D'autant plus que les utilisateurs des réseaux sociaux, toujours confondus, diffèrent déjà passablement de ceux qui s'en méfient. Donc, il y en a autant qui aiment qu'il y en a qui détestent et qui arborent les réseaux. Qui ont en horreur, pardon. Donc, alors, on double les distances. On s'éloigne de plus en plus. Il n'y a pas de juste milieu dans les réseaux sociaux. On aime ou on n'aime pas. On clique j'aime ou on clique pas pantoute parce qu'on n'est pas dessus. C'est ça. Donc, nos amis virtuels pleins d'affinité sont choisis parmi les pas de vie qui perdent trop de temps comme nous devant leur écran. Ah, je suis méchant, mais c'est quand même... Ben oui, je m'assume là-dedans. En plus, pas pour dire, mais le vrai réel est biaisé dans d'autres sens, ajoutant à l'écart du ressenti. Parce qu'on ne se rencontre pas d'histoire, l'opinion publique réelle est forgée. Elle ne spin pas pour rien. Donc, quand il y a une... des spin doctors qu'on appelle, ceux qui font de l'influence communicationnelle. Donc, entre autres, les médias, faut le dire. Sont aussi sur le banc, peut-être pas les accusés, parce que je veux pas avoir un procès, mais faut quand même les pointer du doigt. Donc, les médias de masse jouent un rôle et formatent efficacement les idées. Donc, quand un journal prend position pour un parti, habituellement, tous les lecteurs disent « Ben oui, c'est vrai », parce qu'ils vont critiquer les autres partis, puis toutes les histoires, ils sortiront pas. Entre autres, parenthèse, Journal de Québec, pour pas le nommer, puisqu'on l'a pas ici, ils ont sorti à la dernière minute un scandale contre celui qui s'opposait au maire Labombe. Donc, un scandale qui date de 20 ans, que le juge a dit « C'est pas grave, t'auras aucune tâche à ton dossier ». Ils l'ont ressorti en grosse une, avec, dans l'article, on le lisait, c'était marqué « Non, non, c'est pas grave, c'est juste la une qui frappait ». Donc, les gens lisent pas les articles dans un journal, je pense que c'est connu. On regarde les images. C'est pas pour les articles qu'on lit ça, c'est pas comme complètement... dirait RBO, je m'en sac du texte. Donc, à ça, est-ce qu'il y a un remède à la gueule de bois post-électorale? Existe-t-il un remède? Moi, je dirais que oui. Il y a une option. C'est peut-être d'aller faire un tour dans le vrai monde une fois de temps en temps. D'aller serrer des mains, des vraies mains, non pas des cliquets j'aime, là. Non, il n'y a pas sans l'air, là. Mais, tu sais, une benne sur l'épaule, des fois, ça fait un job. Ou une jambette aussi, ça fait un job. Une jambette. Une jambette, ouais, c'est le fun. Surtout l'hiver, sur une plaque de glace. Tiens, toi. Donc, en plus, c'est pas mauvais pour la santé mentale. Tu sais, qu'on revient à l'essentiel. Donc, là, la question, ça serait, ouais, ben, les gens, ils sortent plus, ils veulent plus rien savoir, ils sont tous sur les réseaux sociaux, mais ils sortent plus dans la vraie vie. Ça. Aller prendre une marche au clair de lune, c'est rare qu'il y en a. Des petits culs qui jouent au hockey dans la rue, j'en ai pas vu. Tu sais, il y a plus d'écureuils morts que d'enfants qui jouent à la rue. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste le vote virtuel. Hein, ça serait bien d'instaurer le vote virtuel. Donc, comme sur Twitter, Facebook, on clique j'aime à un candidat, puis s'il est élu, tant mieux, puis s'il récolte moins de j'aime, s'il récolte plus de j'aime pas, ah ben, il est destitué. Puis une fois au pouvoir, on a juste à le bloquer si on l'aime pas. Hein? Ça serait pas pire, ça. On pourrait aussi comme, faire un programme, donc les installer, mettre un antivirus ou quelqu'un est corrompu, comme Rob Ford, entre autres, avec son crack et tout ça. Ce serait le fun de pouvoir le passer au scan puis dire non, éliminer. Donc ça, c'était ma petite critique des réseaux sociaux, la gueule de bois post-électorale. Maintenant, revenons aux choses vraiment plus sérieuses. Protocolaire. Donc, les résultats des élections. Hein? Mm-hmm. On attend tout ça avec impatience. Ça fait juste une semaine qu'on en entend parler. Mais j'ai fait d'autres calculs. Parce qu'il y a les statistiques qui nous sortent en pleine page dans les médias. Mais il faut faire le double calcul pour dire combien réellement de personnes ont voté pour cette personne-là. Oui. Ça, c'est toujours important. Donc, Denis Coderre, notre ami Facebook, entre autres. Je ne sais pas si vous souhaitez bonne fête comme à chaque année. C'est non. Comme bientôt. Puis Denis, à chaque année, depuis 4 ans, il me souhaite bonne fête. Ah, il est fin. Oui, il est fin pour ça. Je ne sais pas cette année, parce que monsieur est rendu maire, il va m'oublier, moi. Mais je vais peut-être y rappeler. Est-ce que pour sa fête, il va avoir des cadeaux? Des cadeaux? Peut-être qu'il y a un dégâteau chez eux. Ça fait plus pour ça. Sa plomberie va fuir un moment donné. Donc, les sondages lui prédisaient une victoire relativement facile avec 41% des intentions de vote des répondants consultés. Il a dû se contenter de 32%. Donc, déjà là, le sondage qui était sorti a biaisé la réalité. Oui. Donc, de 41 à 32%. Mais dans les faits, si on prend en considération tous ceux qui étaient inscrits sur la liste électorale et qui ont voté pour lui, ça ne représente que 12,88%. Donc, le maire de une des plus grandes villes, donc d'une puissance économique et d'influence au Canada, a récolté 12,88% de l'ensemble de la population inscrite sur la liste électorale. C'est très peu. Mais la bombe, le roi Napoléon Ier de la Cité de Québec, a été publicité par 74% des voix exprimées. Ouh, tu sais, 3 Québécois sur 4 ont voté pour lui. Dans les faits, donc. Dans les faits, si on inclut tout le monde encore une fois, Régis Ier a été élu que seulement par 39,94% des gens de Québec. C'est beaucoup mieux que son rival Montréal. De Montréal, mais c'est quand même moins de 40% des gens ont voté pour lui à Québec. À Trois-Rivières, c'est la ville qui nous intéresse le plus, même si les résultats sont tout aussi décevants, donc bol de bois. Il y avait 104 900 électeurs inscrits sur la liste électorale. De ce nombre, 59 301 ont été votés, donc ce qui représente 56%. On est quand même dans le top au Québec. On est une des villes qui a le plus voté. C'est décevant que le plafond soit à 56%. Exactement. En 2009, il était de 49%. Quand même. Donc, ça a augmenté. Belle augmentation. Belle augmentation, mais c'est 56%, donc c'est 1 sur 2 qui a été voté. Donc, ça veut dire qu'il y en a 43% qui étaient chez eux à sûrement écouter, comme tu disais, Céline, à TV. Puis, oh, j'ai oublié d'aller voter. C'est pas grave. Ouais. L'autre fois. Je vais appeler, je vais mettre un 2 sur Wilfred. Tant qu'à faire. Et il y a eu 675 bulletins rejetés. 675. Hein? Gens qui ont mal fait la X. Qui ont débordé ou qui ont voté pour tout le monde, qui ont entouré, qui ont mis du rouge à lèvres. Hey, donc, c'est ben trop. 600 presque. Voyons 675, donc près de 700. Ou soit c'est un vote de contestation, puisque pour qui je vote, je le connais pas, je le raye. Ah, oh, ouais. Ben, ça peut être ça aussi. Parce que des fois, comme quand moi j'ai été voté, il y a des candidats que j'ai jamais entendu parler de ma vie. Ouais. J'ai jamais reçu de dépliant par la poste, rien. Que j'ai voté pour 3 candidats. Les autres, c'était pile ou face. Je les connais pas. Mm. Que leur nom, il est cute. Je vais voter pour eux autres. Ouais, c'est ça. Le nom a l'air jeune, je vais voter pour lui. T'sais. Bon. Fait que 675 bulletins rejetés. Si on revient au candidat en tant que tel, Pierre-Benoît Fortin, tu sais, le sympathique moustachu qui faisait Movember à l'année longue. Donc, lui a eu 0,6% de vote. 0,6. 352 votes. Donc, il y a eu plus de bulletins rejetés que lui a reçu de votes. Ça fait mal, par exemple. Donc, il pourrait faire une alliance avec les contestataires de bulletins. Oui. Puis, il pourrait quand même arriver 6e sur 6. Oui. T'sais, il réussirait pas à battre la 5e position. Non. Mais c'est quand même plus que j'aurais pensé pour lui, mais tu sais, sans vouloir offusquer sa personne. Mais c'est son entourage proche. C'est ses amis Facebook. Il y a beaucoup d'amis Facebook. Oui. Ah, oui, c'est pour ça, oui. Okay. Richard Saint-Germain, donc Force 3R, le chef du parti Force 3R qui. le soir même des élections, on disait je veux mettre l'âge dans cette partie-là, ça a plus sa raison d'être. Et le lendemain, non, on va avoir des subventions, on va se taire. Donc, je vais garder le parti. Parce que oui, maintenant, avec la nouvelle loi, la loi 1 sur le financement des partis politiques, tu es financé à même le nombre de votes récoltés. Donc, lui a reçu 1321 votes. Donc, si on calcule 2 piastres, il va recevoir à peu près près de 4000 piastres. Ouais. Hein? Il est content. Il est content. Pour pouvoir rembourser ses cocardes. Donc, 2,2% des votes. Merci à Gérard, celle qui est toujours déçue. Parce que le soir même des élections, elle dit « Je suis déçu de la politique. » Oui, Macron, présente-toi pas aux élections. C'est de la politique. C'est elle qui avait été déçue hein, après le... notre débat qu'on a fait à la Elle avait été déçue de notre débat. Oui, puis là, elle était déçue du public. Oui, du public. Oui, oui. Puis le lendemain, il était sorti des journaux, et moi aussi d'ailleurs, pour rectifier les faits, parce qu'à un moment donné... Les gens sont pas assez renseignés avant de venir à un débat. Hey, tu penses que ça sert à quoi un débat? Ben voilà, voilà. C'est ça. Voilà. Tribune. Ouais. Catherine Dufresne, celle qu'on prédisait peut-être mairesse de la ville de Trois-Rivières, a reçu 14% des votes. Mm. 8324, c'est quand même honorable, mais ouais. 14% ne lui permet pas de se faire rembourser une partie de ses dépenses électorales. Ça prend 15% pour que nous autres, les contribuables, on rembourse une partie, pas la totalité. Là. C'est environ 3/4 qu'on paye. Donc, rembourser. Puis elle a fait des dépenses, environ 30 000 piastres de dépenses. Elle a eu combien? 14 points quoi? 14%. 14 juste? Flush. 1% la séparait. Donc, 3 personnes auraient voté pour elle, puis elle a arrêté de passer. Oh. Ouais. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Quand tu joues avec le feu, tu finis par te brûler. Sylvie Tardif, la plus grande perdante, si on peut dire ainsi, c'est celle qui a manifesté le plus de tristesse et de colère à la suite d'une colère de tristesse, pas une colère enragée, dans les médias à la suite du vote, a reçu l'aval de 31,2% des gens, donc 18 491 quand même, honorable à Trois-Rivières, près de 20 000 votes. Mais c'est juste qu'elle, les sondages internes, la disaient pas gagnante, mais encore plus proche du maire que ça. Et le grand gagnant, effectivement, Yves Lévesque pour troisième mandat consécutif. 49,2% des votes, donc il n'a pas obtenu la majorité absolue. Il y a eu 29 000 votes, soit 27% des électeurs qui ont inscrit sur la liste électorale ont voté pour lui. Donc, 49% des gens du bulletin de vote ont été pour lui. Mais 27,8% seulement des électeurs inscrits à Trois-Rivières ont voté pour lui. Donc, on se situe entre Montréal et Québec. Mm. Hein? C'est vraiment... C'est on fait office physique de ville, oui. la place RPP par excellence sur la 40. Donc, les résultats sont peut-être décevants, mais c'est le principe même de la démocratie. Ça fonctionne de même. On a beau chialer, si on fait juste chialer sur les réseaux sociaux, entre autres, ça ne changera rien. Il y en a qui commencent à souligner l'idée de faire comme en France. Deux tours. Donc, on prend les deux premiers et on fait un autre vote la semaine d'après. Entre ces deux-là, pour qu'il y ait la majorité absolue des voix de Trois-Rivières ou de toutes les villes qui s'expriment pour un candidat. Donc là, avec Denis Coderre à 12%, Régis Labeaume à 39%, Yves Lévesque à 27%, c'est un sur trois à peu près qui vote pour eux autres. Donc, est-ce que c'est légitime? Oui, dans les règles qu'on a présentement, mais est-ce que c'est légal? Oui, ça oui. Mais légitime, si on passe off, qu'un deux tours serait peut-être une solution pour dire, OK, ceux qui restent dans l'arène après le combat de gladiateurs peuvent s'affronter à mort. Parce que c'est sûr que là, c'est ça comme qu'on a dit, Catherine Dufresne et Sylvie Tardif se sont séparés le vote, si on veut. Dufresne disait votez pas pour Tardif pour telle et telle controverse, et l'autre disait votez pas pour Dufresne parce que ça va séparer encore plus le vote, parce qu'il y a trop de candidats. Ce qui aurait pu être... si on vit dans un monde de Kalinours, où que tout le monde est parfait, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, il aurait fallu que les 5 opposants s'unissent pour dire on fait une coalition, on se présente personne, on se débarrasse du maire sortant, et dans 4 ans, débarrassez-vous de moi. Donc, on passe là pour s'en débarrasser, et dans 4 ans, là, il y aura division. Parce qu'un maire en place, on l'a remarqué partout au Québec, sauf en Outaouais, où c'est les moutons noirs, tous les maires en place se sont vus reconduire en poste. C'est extrêmement difficile de combattre la machine d'un boss, d'un chef qui est là depuis longtemps. À l'Outaouais, par contre, il y a eu une grande coalition, mais oui, une coalition pour dire on présente un adversaire et tous les partis confondus ou adversaires du maire sortant se sont ralliés pour faire sortir le vote contre le maire. Eux, ils ont compris. Ça a fonctionné et haut la main. Parce que le maire sortant, qui était dans les sondages placé à majorité absolue, a récolté à peu près moins de 30% des votes. Quand même. C'est l'autre, un jeune dans la quarantaine d'années, un intellectuel, qui a pris la place et lui a dit non, tout ce qui se passe présentement dans ma ville à Gatineau, c'est. Ben, on était où, Gatineau, je sais plus le nom de la ville, là-bas, l'autre bord de la frontière. juste avant la frontière, là. Donc, lui, il va faire. il dit qu'il va faire une petite révolution. On verra, parce que c'est quand même une ville de fonctionnaires. Hein. Faut pas trop les brusquer. C'est long à bouger des éléphants, des fois. Mais ici à Trois-Rivières, 6 candidats, c'est sûr qu'il y a division du vote. Et si on compare les résultats de l'opposition, qui ont récolté 51% en tout. Donc, il aurait pu gagner si c'était rallié. Mm. Mais est-ce que tu voulais voter pour Sylvie Tardif? Elle vient du communautaire, j'aime pas ça, la gauche. Ou Catherine Dufresne, elle est bien trop jeune, j'aime pas ça, elle est jeune. Ou, les deux sont des femmes, faut pas oublier ça. C'est des femmes. Oui, on vit dans une société machiste ici, à Trois-Rivières. Beaucoup, beaucoup de sexisme. Ça ne dira pas quoi faire. Donc, ça aurait été une solution. Donc, on verra pour la prochaine fois. Mais d'après moi, ça bougera pas. C'est long à bouger, cette affaire-là. Ben, au moins, on commence à prendre conscience que... Il y a eu quelque chose de négatif qui nous a causé notre fameuse gueule de bois post-électorale. Fait que là, on va être à déprime pendant les 4 prochaines années. Ouais, mais est-ce qu'on va apprendre avant la prochaine fois? Non. Non, c'est ça l'affaire. Non, soyons certains de ça. Non. Ouais, mais non. Moi, je veux aucunement surpris. Je veux dire, c'est ça à quoi je m'attends à chaque élection, c'est que les choses restent tout pareilles. Des fois, c'est les surprises des fois qui peuvent arriver. Sont rares. Moi, je suis pas déçu des élections, c'est juste normal. Mais c'est quand quelqu'un réussit à faire de quoi de bon, comme chez nous, ce que j'ai voté. Personne le donnait gagnant, mais il a récolté quasiment 85% des votes, mon candidat. Donc, moi, j'ai gagné mes élections où j'habite. Ah, bravo, félicitations. Oui, puis on a réussi. Oui, merci. Puis on a réussi à se débarrasser de l'ancienne clique qui était affiliée à un parti politique provincial qui était au pouvoir il n'y a pas longtemps. Fait que je ne vais pas dire qui. C'est flou tout ça, hein? C'est flou, mais c'est flou, ça se retrouve. C'est facilement. On fait une petite recherche Google, là, on pourrait peut-être trouver qui était au pouvoir. Mais on a réussi parce que la population est sortie, est allée voir quelqu'un de plus jeune, quelqu'un de plus dynamique et surtout quelqu'un qui a des idées sur tout ça. Donc voilà, c'était ma critique gueule de bois pour cette semaine. Génial! Ouais. Comme toujours, merci François Landry. Fait plaisir, Mathieu Plante. On se retrouve tous les jeudis à 8h30 et c'est toujours à chaque fois impressionnant tellement c'est bon. Hein? Oui, bon. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. La bière de la semaine. Une présentation de La Barrique, le magasin de bière à Trois-Rivières, 4170 Boulevard des Forges. Quand tu prends un coup, la vie est belle. Malgré les problèmes interrelationnels, y en a qui me disent des fois que je suis un peu à pic, que je prends pas toujours bien la critique. Mais ceux qui pensent ça là, ben qui mangent la merde. Oh yeah! On est rendu au moment tant attendu, en tout cas par l'animateur de cette émission, hein? Eh bien oui, c'est notre bière de la semaine qui nous est offerte par La Barrique, mais qui est brassée par une nouvelle microbrasserie. C'est pas un nouveau, mais je me rappelle plus trop avec qui faisait affaire avant. Je pense que c'était les trois brasseurs. En tout cas, je me rappelle plus trop. Je veux pas m'avancer et dire n'importe quoi. Mais je vous parle de la microbrasserie Farnham Ale and Lager. Donc, ça nous fait une bière qui est qui ressemble à être faite... ailleurs qu'au Québec, pour le look. Premièrement, c'est un embouteilleur, une microbrasserie qui a décidé de choisir la canette au lieu d'une bouteille. Déjà, moi, ça arrive assez rarement. Le seul que j'avais vu ça, c'était la gang là, à Québec, Archibald. L'Archibald, eux aussi, ont opté pour la canette. Personnellement, je ne tripe pas tant sur l'idée d'une canette, mais quand même, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas du bon jus à l'intérieur. Donc, aujourd'hui, ce qu'on déguste, eh bien, la Farnham Ale & Lager, la 12, qui est une Hefeweizen, qui est une bière blanche de blé allemande. Donc, avec des levures, justement, allemandes, ce qui va sûrement nous plaire, qui amène un petit goût sucré. On va aller goûter ça dans quelques instants. Je pense qu'il faudrait que je l'ouvre. J'espère juste qu'elle ne soit pas trop pétillante parce qu'elle a été un peu brassée, il faut le dire. Donc, je baisse la trame et je nous coule cette petite bière. Ah, parfaite. Elle est quand même heureuse de me voir, mais pas trop. On va essayer de la verser sagement dans un verre pour avoir le droit de la boire et non avoir seulement un collet de 8 pouces de long. Non, parfait. Première impression, j'ai pas eu le temps de la sentir encore. Je suis en train de la couler. Une belle pinte. Parfaite en ce moment. D'un blanc, une blanche aux couleurs dorées, blanchâtres, voilées. C'est pas une bière claire du tout, donc elle n'est pas filtrée. Un beau collet de mousse qui tient quand même assez bien. Tiens, j'ai réussi à remplir mon... J'avais le verre parfait, il faut le dire. Donc, un beau collet de 3/4 pouce, des belles bulles. On va aller maintenant se la mettre tout près du nez. OK, ça sent la blanche. Ça sent la blanche. Pas de truc qui ressort comme ça. Mais tiens, on va s'envoyer une petite gorgée. Surpris par cette blanche. Les dernières blanches que j'ai bues avaient toujours un petit côté agrumes, coriandé, etc. Cette fois-ci, il y a un petit côté agrumes aussi. Mais en fin de bouche, les gars me l'avaient dit, tu vois, il y a un petit goût de banane. Effectivement, il y a vraiment un goût de banane. On nous dit que c'est la levure allemande qui crée ça. Bien intéressante. On va s'en envoyer une autre petite. On sent la céréale aussi. Il y a une petite amertume, mais... c'est pas une amertume, je me trompe. C'est une petite acidité. Une acidité qui nous fait justement rappeler un peu... comme justement les agrumes. Parce que le goût, lui, est beaucoup plus rond, beaucoup plus doux. Justement, le côté plus banane. Mais les agrumes, elles, sont là, tout à fait. Une belle bière. Elle est à... C'est une bière assez légère, là, 5,2% d'alcool. Le format 473 millilitres. Et puis, c'est ça, les buts. Et puis, c'est un peu le nom de la série, hein, parce qu'ils sont tout le même nom, sauf un chiffre qui change. Je pense qu'il y a une rousse, il y a une blonde et il y a une IPA. Ils sont tous nommés par leur chiffre de début, qui est l'indice d'amertume. Donc, c'est une bière qui n'a pas d'amertume, mais qui a une petite acidité en rentrant, une petite pointe d'acidité, qui est vraiment pas pour me déplaire. C'est une blanche, là, je vous dirais, très générique, mais qui a quand même ses saveurs. Le goût en fin, eh bien, est très, très céréal. Très, très céréal et très, très intéressant. J'ai le goût d'aller voir sur ratebeer.com pour voir qu'est-ce qu'ils nous en disent. Elle n'a pas encore de score, elle n'a pas encore de notes parce qu'elle vient tout juste de sortir de la brasserie. Et sinon, tiens, on va aller voir Félix Girard qui en a juste critiqué 2 à date des bières. À date, c'est le nombre le plus petit que j'ai vu, mais ça veut pas dire... Moi, j'en ai même pas une de critiquer sur ratebeer.com, puis pourtant, j'en ai quand même bu quelques-unes. Hey, je sens déjà Faut dire que j'étais complètement à jeun. Là, aujourd'hui, j'avais rien mangé. Et je sens déjà la chaleur de l'alcool, même si c'était un petit 5,2% d'alcool, qui me parcourt le corps. Donc, on va aller voir Félix Girard du Saguenay, qui nous dit d'une couleur blonde voilée, oui, mousse légère. Là, elle commence à disperser, mais le col tient quand même toujours. Bien intéressante. Une petite effervescence quand même intéressante aussi. Donc, au nez, banane, pain, orange et épices. C'est exactement ce que je disais. C'est la céréale. Le premier goût, c'est vraiment un petit côté. Même avant banane, je trouve l'odeur est plus orangée. Puis, il y a l'acidité de l'orange, là. Mais le goût plus en bouche, lui, est plus banane. En bouche, on retrouve la banane et la banane. Quand le goût de la banane se dissipe un peu, on retrouve des épices et la petite acidité d'orange. Une très bonne Weizen. Il dit 10 sur 10 pour le rapport qualité-prix. Elle est dangereusement bonne. Oui, mais c'est une blanche. Oui, elle goûte la banane. On le sait. Mais moi, je trouve qu'il y a l'acidité de l'orange plus, même un peu, que la banane. La banane, pas en finale, mais en troisième, je dirais. Tu sais, le premier goût, c'est l'acidité, moi, je trouve, qui rentre. Pas d'amertume. On va s'en renvoyer une petite gorgée pour être sûr. Ouais, pas moi, je trouve qu'il exagère, là. Banane, banane, banane. Là. Mais bon, on va aller voir Pierre-Luc, que lui, j'aime bien ses critiques. D'habitude, il est assez juste. Il nous dit une bière jaune voilée. Moi, j'avais dit jaune ou dorée, là, mais bien voilée, ça c'est sûr. Moyennement mousseuse, oui. Le nez nous confie toute la fraîcheur et la texture d'un blé, ainsi que l'éclat de la banane. Moi, à l'odeur, personnellement, il faut que je réessaye. Mais je sens plus le blé que la banane en tant que telle. Le blé et la bière, ça sent la bière. En bouche, eh bien, cette levure banane est tellement présente qu'on croirait que de l'essence a été ajoutée. Mais le bilan est très agréable et cette Hefeweizen gagne à être connue et surtout à être bue. Moi, j'embarque pas dans leur truc là, que on dirait que l'essence de banane a été ajoutée. On dirait que, pas tant, là, vraiment pas. Je trouve que c'est un petit peu exagéré. On le réessaye. Et puis moi, je le dis, là, l'histoire de la banane, parce que je suis un gars qui... J'aime la banane, c'est correct, mais je trippe pas sur les bananes en tant que telles. Puis je trippe encore moins sur les saveurs de banane ajoutées. Banane, correct, une sandwich aux bananes, ça va. Mais moi, je trouve... Oui, je comprends, là, la levure vient de là, ça sent ça aussi un peu, mais je suis un peu exagéré, là. Banane. Je l'ai dit plusieurs fois, banane, aujourd'hui. On va aller avec Alain G., lui, il nous dit une belle blonde voilée ayant un mince col mousseux qui reste en place un temps avant de se résorber et de laisser des traces au verre. Il est assez pointilleux, là. Il est sur la shot. Un nez de blé, d'agrumes, de poivre et de levure. Tiens, peut-être le poivre, un goût acidulé de pain frais, de purée de banane flambée avec de l'alcool en finale légèrement épicé et herbacé qui apporte une touche agréable au produit. Mais peut-être le côté herbacé aussi qui me donnait une petite acidité. Elle est plutôt facile et agréable à boire. Il dit « J'aime bien cette bière ». Et puis, tiens, on va aller se faire le siffle-bière qui, lui, en a quand même critiqué 816. Il dit « Un couleur jus de pêche opaque avec une épaisse mousse blanche qui régresse vite un film entouré d'un col banane, pain et gomme à mâcher au nez ». Non. C'est exagéré, là, la gomme ballon là-dedans. Là. Au nez, elle est assez moelleuse, complexe et savoureuse, mais elle est très sucrée. Les fruits jaunes, surtout les bananes, prennent beaucoup de place. Agréable, elle possède de belles qualités, mais il en existe de meilleures sur le marché. Ceci dit, pour une bière si bon marché, donc pas chère, c'est presque un tour de force. Donc, on a une bonne bière ici. Si vous aimez la blanche, facile à boire, c'est clair que je vous invite à déguster cette petite bière qui s'appelle la... Farnham Ale and Lager 12. Moi, j'aime mieux la Farnham Ale et Lager 12, là, mais bon. sinon, ben, je pense qu'on a bien décrit cette bière. Hein? On peut pas dire mieux. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est Fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de cons de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Assemblage requis. Voici « Tu manges mon cœur ». Je pensais que t'allais dire, faut pas changer de mood, on a aimé ça, on va rester ensemble jusqu'à midi, en ondes. Parce qu'on n'a pas fait l'émission lundi, donc on doit 2 heures à C'est Fou à cause de la panne de courant, ça tu voulais dire? C'est ça. C'est ça que ça veut dire. Je suis partant, sauf qu'il y a une émission à 10h. Ah, bon ben. OK. Oh well. On s'invite. On s'invite dans leur émission. Exact. Non, merci. Donc, Tu manges mon cœur, c'est la chronique et des coups de cœur d'Assemblage requis. Bien sûr, Tu manges mon cœur, comme dans mon cœur, a beaucoup de désirs culinaires et autres. Oui. Ben justement, tu vas le faire manger, ton cœur, littéralement, toi. Oui, Mathieu. Écoute, je sais pas quoi dire. Et puis, je vais te conter une histoire. Et puis, tout ça, c'est Mange mon cœur. Si j'avais une petite comptine à mettre à la place de la chanson qui bouge beaucoup trop et qu'il y a de la batterie dedans. Non, je pense que c'est bon. Ça fit. OK. Parce que ça, c'est rough. Je te laisse commencer. C'est rough comme un peu du piquant. C'est rough comme de la sauce Red Hot, mettons. Ah, puisque on a parlé, en fait, ça fait quelques semaines qu'on parle d'ailes de poulet. Chaque jeudi, oui. Oui, littéralement. Et puis, là, je vous ai parlé de ceux qui étaient là depuis le début. On a parlé de la chaudière d'ailes de poulet qu'on peut acheter à une place qui n'est pas bien loin de l'université. Qui est entre le SO et le QTA. Mettons que c'est une microbrasserie. C'est à côté des morts. Oui. Aussi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Délicieux, c'est le jeu du vendredi samedi. Qui en ont pour 25$. Toute une chaudière, man. Toute une chaudière. Ouais. Difficile de passer à travers à deux. Allez-y au moins 3-4. Regarde-moi aller. 3-4. Et puis. 3-4. Sauf que, tu sais, dans la vie, tu te dis, oh, des fois, t'aimerais ça pouvoir reproduire ce qu'il y a au restaurant chez toi. Ouais. Donc, je suis dans cette phase-là d'essayer de retrouver comment je pourrais me faire des bonnes ailes de poulet à la maison. Sans que ça coûte 25$ et sans que t'en aies trois fois trop. Mais mettons plus, si mettons j'en ai le goût pour dîner, ah? Ou mettons que c'est pas le jeudi, vendredi, samedi. Mon gourmand, toi. Oh, coquin. Donc, je suis dans la phase d'acheter toutes les marques d'ailes de poulet congelées. Okay. Pour voir laquelle que je préfère le plus. Les Costco sont sûrement les meilleurs. C'est tout le temps, toi, c'est tout à Costco. Par défaut, c'est Costco. Ouais, tout le temps. Hey, c'est vrai. J'ai pas pensé, Mathieu. Je suis sûr que c'est les Costco. Ouais. Écoute, en fin de semaine, c'est là que ça se passe. On va vérifier ça. Yes. Je t'en parle lundi. Un autre, tu manges mon cœur, c'est les ailes de poulet. Lundi, un autre. J'ai trouvé! Donc, c'est ça, j'essaie les marques. Et puis, là, après ça, on se disait comment que c'était bon. De la sauce Red Hot. Hein? Frank's Red Hot, on va se le dire. On va se le dire. Bon. Ne nous le cachons pas. On aime ça, toi puis moi. On s'est découvert une passion commune. Exact. Toutes les sortes sont bonnes. Toutes les sortes. Écoute, moi, je suis un fan en plus de l'original. Oui. Je la trouve délicieuse. Elle buffalo style, c'est marqué. Oui, c'est ça, exactement. Okay. Et puis, j'en rajoute sur les... dans le fond, quand je fais cuire mes ailes de poulet, j'en rajoute dessus. Ben oui. Même s'ils sont déjà à saveur barbecue. Ben c'est ça. OK, oui. Je suis en train d'essayer de trouver le combo parfait. Peut-être qu'il y a genre un petit peu une coulisse de miel dedans. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font, mais... C'est ça, peut-être. Okay. Est-ce que c'est les croustillantes? Est-ce que c'est les normales barbecue, buffalo, celle de chez... Celle de chez... C'est apostrophe, oui. Oui. Est-ce que tu l'aurais demandé? À qui? Aux gens chez au restaurant? Non. À côté des morts? Non? Non. Non, j'ai pas demandé parce que d'après moi, ils les font eux-mêmes. Ouais. Donc, écoute, c'est peut-être la prochaine étape. C'est peut-être. Parce que là, j'y vais dans le congelé. Là, parce que, tu sais, des fois le midi, on est plus pressé. Facile, oui, oui, c'est ça. Fait que j'y vais dans la simplicité pour commencer. On verra peut-être pendant le temps des fêtes, j'aurai plus de temps libre pour essayer de cuisiner plus longuement. Tu m'en amèneras juste une. Juste une, OK. Toute froide et ratatinée. Non, donc c'est ça. Donc, je suis vraiment en processus de découvrir comment je peux faire mon combo parfait. Je te promets que quand je les aurai toutes faites, je vais te revenir avec ça avec un rapport complet. OK. Sur ton bureau. Je te demande ça pour lundi matin. Lundi matin. Est-ce qu'on parlait aussi de sauce Red Hot en ronde? Oh. Donc, t'as essayé. Il y avait un kiosque de sauce Red Hot dans un restaurant quelconque et t'as essayé chacune des sauces. Ben, écoute, on peut en parler puisqu'on était présents. C'est fou, on était là. Oh. C'était pendant le Grand Prix de Trois-Rivières, okay. Où on a eu la chance d'animer sur place, ouais. Les entre-courses. Et puis, ben, c'est ça, pendant les courses, bon, on regarde rapidement, on fait le tour des kiosques. Et puis, il y avait un méga huge kiosque de sauce Red Hot où, si t'es goûté toutes, une tasse de chaque. Non, c'était, ben, écoute, c'était sur un petit tostitos. Puis, donc, il te les faisait goûter. Si tu passais à travers toutes, ouais. Il te donnait quelque chose, puis tu pouvais avoir un tirage. C'est évident que j'aurais participé à ça. Ah, ben écoute, avec un plaisir fou ben que là. J'ai participé à ça. En plus, avec Alexandre Laramizouki. Un autre gourmand. Oui, puis un autre. Un drôle. Un fin palais. Ou non, oui, mais écoute, c'était tellement drôle. On a mis vraiment le party. Ben, il a mis le party dans la place, puisqu'il était beaucoup plus dynamique que les animateurs qui étaient là. Sans vouloir vous offusquer. Non, c'est ça, sans vouloir offusquer personne. Donc, on est passé à travers tout, et puis j'ai eu un tattoo. Ah, un tattoo. Comme Stéphanie Fajitas, on va pouvoir t'appeler Charbonneau Fajitas. Oui, tu vas pouvoir aussi m'appeler JP Frank. JP Frank. Frank Red Hot. JP Zap. Si ton nom était Jean-François, je t'aurais appelé Jean-Frank Red Hot. Jean-Frank, ça. Ah! Mais c'est pas le cas. Pourquoi mes parents n'ont pas fait ça? Passons! Ouais, voilà. C'est française, maman. Hein? C'est ça, salut maman. Donc, écoute, j'ai eu plein de petits échantillons en plus. Ah. Sauf qu'un petit échantillon, écoute, tu fais pas long feu avec ça. C'est-tu comme les petites bouteilles à SAQ, genre de... C'est encore plus petit, Mathieu. Pour vrai, ben c'est non. Encore plus petit. C'est traître, ça. Il m'en reste une, parce que j'en ai à maison. Fait que j'utilise jamais mon échantillon. Je vais l'utiliser quand je vais être vraiment mal pris. C'est ça. Mais on a besoin dans un réfrigérateur d'une grosse bouteille de chaque sorte de Frank's Red Hot. Quand ma copine me dit, t'as déjà trois bouteilles ouvertes, t'en ouvres pas une autre. Excuse-moi, variété. Ça goûte pas pareil. Ça goûte c'est pas comme pareil. Les vinaigrettes à salade. C'est ça. Mmh. Moi, c'est Rancho Bacon. Oui, OK. M'envoie straight à la toilette, mais c'est pas grave, c'est un sacrifice que je suis prêt à prendre. Et la Frank's Red Hot. Et aussi. Nouvelle saveur originale. Ah, voilà. Quelle belle chronique de d'envie. On pensait pas à ça, tu sais. Non. D'avoir une chronique comme ça. Non. Finalement, c'est une chronique qui mange mon aile. Au lieu de manger mon cœur. Ah. Ah, le mien va avoir l'air vraiment en poche par comparaison. C'est ma nouvelle clé USB. C'est vraiment poche. Oui. C'est ce que j'avais prévu faire, donc je vais le faire. Vous savez, si vous étiez avec nous il y a peut-être 2-3 semaines, je dirais 3 semaines. Je pense que c'est simple. Le temps passe. Hein? Le temps passe vite. Ma clé USB a planté en onde. Oui, c'est vrai. Le petit morceau, parce que j'avais une clé Kingston, le super beau modèle très très plat et genre métallique là, qui ressemble à un MacBook. Là. Le petit module qui va à la fin est collé avec une noix de colle dedans. Et la colle a lâché. Je sais pas pourquoi, dans un ordinateur, et je ne sais pas lequel, parce que j'utilise tout le temps les trois mêmes ordinateurs, et quatre même, et je retrouve pas mon bout de clé USB. Ça a dû tomber dans ma poche à terre. Bref, je me suis magasiné une clé, et là, tant qu'elle n'achetait une, à la place de prendre le modèle qui est joli et moyennement bien recommandé, mais tu sais, cute, et qui va fitter sur mon porte-clé, puis que j'aurais pas, tu sais, moi, je me suis dit, prendre la qualité à la place. Oui. OK. Donc, j'ai magasiné sur le site de Wirecutter, qui a déjà été un « Tu manges mon cœur » dans le passé. C'est un site qui recommande des gadgets et des choses. Dans le fond, ils testent une bonne centaine de chacun des produits, comme par exemple une télévision ou une clé USB. Bref, ils ont choisi ce modèle-là, qui est par SanDisk. C'est la Extreme USB 3.0, qui est disponible en ce moment sur Amazon.ca pour le ridicule bas prix de 50$ pour un modèle de 32 Go. Si tu vas jusqu'à 64 Go, tu peux l'avoir pour aussi peu que... Là, le prix ne s'actualisera pas. C'est dans le coin de 85$, quand même plus cher. Moi, je me suis dit, je vais aller dans le 32 gigs, ce qui est deux fois plus que ce que j'avais avant, et je vais être safe pour seulement 40$, ça vaut vraiment la peine. Les vitesses de transfert sont extrêmement bonnes, on parle de 230 MB par seconde. Ça écrit à environ 200 MB par seconde, donc la lecture est à 230, je m'excuse. Et puis, pour vrai, la cote est super bonne. En USB 3.0, ça fait des ravages. Moi, je suis seulement en USB 2.0 et je la trouve très, très rapide. Tu sais, un disque dur externe, comme j'ai un Western Digital, ça va souvent prendre 30-45 secondes pour l'activer sur Windows parce qu'il y a beaucoup trop de fichiers. Ma clé USB, je vous jure, est branchée et est déjà en train d'ouvrir. Ça ne se peut pas, puis c'est de l'USB 2.0 dans mon cas. Donc, pour vrai, je la recommande, mais vraiment, vraiment beaucoup. Elle est un petit peu plus grosse qu'une clé USB normale, mais elle est tellement plate que je suis quand même capable de mettre deux clés USB une par-dessus l'autre dans l'ordinateur où les prises sont une à côté de l'autre. Ça, c'est pratique. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi les ordinateurs font encore ça. Pour vrai, mettez-le à une petite distance. Ouais, là. Vous savez là, que tout le monde aime ça, les froufrous. Quand tu as un Tweety Bird là, comme Stéphanie Paradis, comme clé USB, ça rentre dans aucune slot, ça. Tweety rentre pas nulle part. On parlait de la clé USB, oui, évidemment. Donc, c'est la SanDisk Extreme 32 Go. Cherchez-la sur Amazon.com. Vous allez la trouver très facilement. Elle est noire avec une petite inscription rouge. Et le module pour sortir la dans le fond, ce qui va rentrer dans l'ordinateur, là, il y a un petit ressort, donc il y a un petit effet de va-et-vient assez plaisant, qui j'espère ne brisera pas, mais pour vrai, SanDisk est rendu ma marque. Oubliez Kingston, ils m'ont tous brisé dans les mains l'une après l'autre. Lexar est la pire marque de clé USB, n'achetez jamais ça. Moi, une clé USB cheap, là, plus jamais de ma vie. Plus jamais. Parce que ça casse tout le temps, puis tu perds tes fichiers. Mais surtout quand, tu sais, des fois, c'est juste pour ah oui, ok, échanger des photos. Ouais, bon, ça va. Ça, prends ce que tu veux, là. Mais quand c'est vraiment un outil de travail, ça vaut la peine d'investir un petit peu plus. Exactement. D'argent. Toutes mes intros sont là-dessus. Pour vrai, je suis dans le trouble depuis 3 semaines à cause de ça. Je suis encore en train de trouver mes intros sur mon disque dur externe live pendant l'émission parce que je les ai pas avec moi. T'sais. Bref, c'est tout pour ça. Assez de détails pour une clé USB, c'est pas intéressant. C'est beaucoup plus le fun de parler d'aile de poulet. Ben, les deux, ça complétait bien finalement. Oui, c'était le Boring Edition et le Super Funny Edition. Ben non. Ah. Vous écoutez présentement les meilleurs moments des émissions quotidiennes de C'est fou. Écoutez-les en direct du lundi au jeudi. Assemblage requis de 6h30 à 9h30 et le dîner de con de 11h à 13h. Pour plus d'informations sur notre programmation, visitez le cfou.ca. Replongeons dans le dîner de con un certain midi cette semaine. Tiens, on se fait un top 11 des distributeurs les plus révolutionnaires à essayer absolument. Ben intéressant. Tiens, on y va tout de suite en première position. Vous allez voir, il y a des distributeurs quand même assez particuliers. Moi, personnellement, mon plus particulier que j'ai vu dans la vie, là, c'est pas grand-chose, c'est seulement... c'était à la gare ou à l'aéroport à Bruxelles. Eh bien, c'est un distributeur de bière. Donc, on met 1 € et on a une belle... c'était quoi? Une Jupiler. Une belle Jupiler. C'est une petite bière blonde en canette. Mais quand même... assez intéressant. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'histoire de carté pour acheter de la bière. Là, parce que n'importe qui peut mettre son 1 € dans la machine, même si tu as 10-12 ans. Moi, j'avais quand même trouvé ça assez particulier. Mais là, on commence tout de suite avec les distributeurs les plus farfelus à travers la planète. On s'en va en Bretagne pour un distributeur à huîtres, des huîtres. Vous pouvez acheter des huîtres 24 heures sur 24, mais la machine ne s'occupe pas de les ouvrir et ni de les disposer sur un plateau d'argent. Mais quand même, distributeur à huîtres. C'est dur à dire, distributeur à huîtres. Mais c'est laid, je trouve, dire huîtres dans une phrase. Sinon, le distributeur de café gratuit quand on est crevé. C'est une marque de café qui distribue des précieux breuvages aux voyageurs qui baillent devant la machine dans un aéroport au Brésil. Et c'est vraiment ça. Il y a vraiment un système de reconnaissance faciale. Et puis, il analyse ta fatigue, le distributeur. Et puis, il va te donner un café. Quand même pas pire. Je m'envoie une petite gorgée de bière. Mm-hmm. Écoute, je suis pas là rien que pour faire de la radio, moi, là. Je suis là pour boire ma bière. Sinon, le distributeur de boissons pour les vrais copains. Donc, c'est un distributeur de boissons Coca-Cola qui est géant. Coca-Cola se vante d'être la marque du partage et de l'amitié. Alors, ils incitent les clients à s'entraider en se faisant la courte échelle pour obtenir une canette dans une machine. Donc, après l'effort, le réconfort, c'est une immense machine Coca-Cola et il faut vraiment que nos amis nous aident pour aller réussir à mettre l'argent et puis récupérer la canette. Moi, je trouve que l'idée est très bonne et puis ça marche avec en tout cas, ce que la psychologie de la marque nous propose. Sinon, ici, le distributeur de chocolat pour se tenir la main. OK. Vous allez devoir vous y mettre à beaucoup pour avoir une tablette de chocolat dans ce distributeur. Au moins assez pour faire une chaîne humaine entre la pâte à basse tension de la vache violette qui recule au fil du temps et la machine. Les gourmands remercieront Thomas Edison. Si vous n'êtes pas trop nombreux, il restera bien un carré à la fin. J'ai pas tout à fait compris, mais pour que la machine marche, il faut que tout le monde se prenne main dans la main. Mais j'ai pas tout à fait compris. Non, mais gars, c'est comme ça. Ici, le distributeur de Robinson Crusoe. Pour trouver l'inspiration, rien de tel qu'une citation tout droit sortie d'une bouteille avec un peu de sable. Donc, c'est un distributeur de bouteilles, comme une bouteille d'eau. Mais dedans, il y a du sable et une citation. C'est beau. Celle-là est très intéressante. C'est en Espagne, le distributeur de boissons fraîches compatissant. Hein? Les chaleurs atteignent des pics parfois insoutenables en Espagne, alors ce distributeur s'adapte et baisse les prix des boissons quand la température monte. Génial, mais vraiment génial. Ici, un autre truc tout à fait génial, c'est le distributeur de soutien-gorge pour les urgences sexy. Donc, madame a besoin urgent d'un nouveau bustier à minuit ou monsieur veut se travestir pour en rentrer en boîte. Alors, dans les deux cas, ce distributeur de soutien-gorge est parfait pour vous. Pourquoi pas? Ici, un distributeur de bière qui vous préfère détendu. OK? Donc, cette machine déteste les gens stressés. Elle ne vous servira une bière que si vous acceptez de vous asseoir et ne pas bouger pendant quelques minutes. Bonne idée, vraiment extraordinaire. En 9e position, ça, c'est une fierté pour les Belges. J'aurais aimé ça voir ça. Je ne l'ai jamais vu pourtant, mais j'étais allé quand même deux fois en Belgique. Et puis, c'est le distributeur de frites fraîches. Donc, encore une fierté pour les Belges, des frites bien chaudes et bien croustillantes à n'importe quelle heure de la journée. Hein? Mais c'est génial, c'est un distributeur de frites fraîches chaudes. Hein? Le Distri Trocker, la machine distributeur anticapitaliste. OK? Pour récupérer un objet de ce distributeur, il vous suffit d'insérer ce que vous avez sous la main. Pas de monnaie, que du toc. Donc, on peut mettre n'importe quoi. On peut mettre un vieux chandail, une canette vide ou je sais pas quoi. Hein? Pourquoi pas? Sinon, le distributeur de bière pour les esprits forts. Il ne vous servira que la dose de bière que vous méritez. Il est demandé aux candidats de se concentrer sur l'idée de fraîcheur et des capteurs placés sur le crâne des participants médusés mesurent en effet l'activité cérébrale globale, donc la concentration. Quel que soit votre objet de désir, l'important, c'est donc d'y penser fort, très très fort. Hein? Bon, c'était vraiment un beau top et on peut vraiment trouver n'importe quoi dans des distributeurs. Hein? On le voit ici. Sur ce, eh bien, on va aller en musique et on pourrait se faire le petit... Ouais, ce serait le temps. Je pense qu'on est dû pour ça. On va aller se faire une petite chanson des 1000 pièces à avoir écoutées dans sa vie. Je me sens en forme pour le faire. On y va et on y va avec pas n'importe quoi. On y va avec Sympathy for the Devil de la formation Les Rolling Stones en 1968. Donc, l'auteur, bien sûr, le célèbre Mick Jagger et Keith Richards. La production, c'était chez Jimmy Miller. Le label, c'est Decca. Et l'album, c'était sur Beggar Banquet, qui était sorti en 1968. Pour la petite histoire, eh bien, faire suivre un album intitulé Their Satanic Majesty Request, qui est mon album préféré en passant, peut-être même qu'on en jouera une plus tard, par un morceau du nom de Sympathy for the Devil, ne pouvait qu'ajouter à la controverse portant sur la nature démoniaque des bad boys du rock, les Rolling Stones. En dépit du titre de l'album précédent, il ne comportait aucune référence explicite au diable. Ce n'était pas le cas du morceau d'ouverture du suivant. La chanson a poussé des groupes religieux et des journalistes à les qualifier, les Stones, d'adorateurs du diable, donc de corrupteurs de la jeunesse. Jagger a prétendu que les paroles avaient subi l'influence de Baudelaire, même si les mots et les thèmes de la chanson rappellent beaucoup le chef-d'œuvre de Bulgakov, Le Maître et la Marguerite, et où le diable vient en personne en Russie pour réguler les affaires du monde. Pendant la session d'enregistrement, le sénateur Robert Kennedy se faisait assassiner, ce qui a incité les auteurs à modifier quelque peu leur texte. L'enregistrement de la chanson a été capté par Jean-Luc Godard pour son documentaire expérimental homonyme. Excellent. Au début, Jagger voulait faire une ballade. Sur la suggestion de Keith Richards, il a évolué pour présenter un rythme de samba plutôt ténébreux, ce qui renforçait sa nature hypnotique. Le thème satanique, mais aussi le style des Stones et leur comportement ont eu une influence énorme, et en particulier sur le hard rock et le heavy metal, ce qui a prouvé que la musique gothique et sombre pouvait aussi être attirante. Sur ce, dans le segment des mille et une chansons à avoir entendues dans sa vie, eh bien, on se tape, et avec plaisir, hein? Sympathy for the Devil de la formation Les Rolling Stones, qui ne sont plus beaucoup tout à fait à présenter. Hein? Enjoy! C'est quand même un beau 6 minutes là, qui s'en vient. 6 minutes 24 de bonheur! Vous êtes dans le Dîner de cons avec Danny Janvier sur les ondes du 89.1. Allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the pilot washed his hands and sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. Yeah, I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah, I was.